une caméra dans un hôpital Hillcrest à San Diego. Un brancard poussé à vive allure, des infirmiers, un médecin, et on entend crier. La caméra, elle est un peu, on dirait caméra sur l'épaule, quoi. On entend crier une nouvelle attaque au couteau, il a été violé avec sauvagerie, préparez la table d'opération, le foie est touché, l'anus est hors d'usage. Un hôpital en ébullition, débordé, des victimes qui arrivent par dizaines, et puis un gros plan sur un titre de journal local. 12 nouvelles agressions à l'arme blanche, des dizaines de viols. Quand s'arrêtera la montée de violence dans le quartier le plus tolérant de San Diego? Et le générique de l'épisode commence. Et Edgar, que fais-tu pendant ce générique? Eh bien, je suis dans ma bibliothèque et dans la zone 51 afin de trouver des informations et de préparer des futurs glyphes pour combattre les futurs monstres. Cassie ? Eh bien, je suis en train de rêver d'avoir plein de petites prémonitions sur les gens autour de moi. Yes. Jonah ? Moi, d'abord, on me voit sur mon écran et ensuite, on me voit regarder des livres. Puis, je sors de chez moi je suis un peu Noja au loin. Et dès qu'il y a un mec qui essaye de venir lui parler, je vais vers lui et je lui lance un regard noir. Et voilà. Ok, ça marche. Et du coup, sur la fin du générique, on voit tous les chasseurs, vous tous qui êtes, dans les locaux de la WICAP, tous ensemble, dans vos petits locaux au niveau de la WICAP. Donc vous êtes là, et puis d'un seul coup, il y a la porte qui s'ouvre. Et là, encore une fois, un grand ponte qui arrive. Il arrive dans le bureau, et puis il vous regarde un peu de haut, comme ça, un peu dédaigneux, et il vous fait... après avoir sauvé le monde avec ces grands messieurs de la CIA, peut-être qu'une petite affaire tranquille vous ferait un peu de bien, n'est-ce pas? Histoire de reprendre goût à la chasse. Tenez. Là, il vous jette le journal de San Diego, le San Diego Times, par terre, comme ça, un peu. Cette affaire pue le démon à plein nez, une affaire facile pour vous remettre le pied à l'étrier. On sent qu'il a un peu en travers l'histoire de la CIA. En lisant le journal que vous voyez... Vous voyez à peu près, dessus ce qui est écrit, c'est qu'il y a une augmentation de 160% des agressions physiques et sexuelles depuis 2 semaines à San Diego. Et donc effectivement, ça pue le surnaturel à plein nez. Jonah ? Ouais ? Est-ce que ton équipe est là ou est-ce que tu peux peut-être expliquer, est-ce qu'elle va arriver bientôt ou comment tu comptes la faire venir en fait ? Alors, c'est un peu... j'ai réussi à m'arranger avec le FBI et surtout grâce à Edgar, les faire passer à un stade de consultant. Donc, en gros, j'ai réussi à les protéger. Ils sont pas trop loin de Quantico. D'ailleurs, Jacob commence quelques petites études dans une université. Ils ont une petite maison, en fait, qu'ils dirigent. Comme Amy et Tom sont ensemble, Jacob, c'est un peu comme leur gosse. Et donc du coup voilà, et je les appelle dès que j'ai besoin d'aide, et là, dès qu'ils m'ont donné le journal, j'ai envoyé un message disant « venez, j'ai besoin de parler d'un truc, j'aurais besoin de vous pour faire quelques recherches ». Et donc là je suppose qu'ils sont en route, et enfin je voudrais aussi, est-ce que le grand ponte est toujours là ? Ouais. Ok, très bien, donc là je prends le journal et je dis à haute voix « l'amabilité c'est pas écrit sur le journal, je comprends pas ». Il se regarde de haut, il fait « allez, ça te donne le boulot ». Puis il repart. Ok. Tant pis, on aurait essayé. Ah, c'est vraiment pas écrit, hein. Vraiment pas écrit. Non, c'est pas écrit. C'est pas du tout écrit, hein. Ah là là, la presse, c'est plus ça de nos jours. Du coup, vous êtes embarqué pour San Diego. Est-ce que vous voulez faire quelque chose avant de prendre l'avion? Ouais. Ouais, pareil, moi je vais faire quelques trucs, ouais. Ben allez-y, dites-moi. Edgar, je t'en prie. Je vais déjà avoir une petite idée de ce que c'est. Comme monstre. Alors, j'avais pour idée en fait d'utiliser comme manœuvre, comment ça s'appelle déjà ? D'utiliser la manœuvre sombre passé pour pouvoir en fait identifier le monstre et savoir quel grimoire quel objet je pourrais prendre pour m'aider. D'accord, très bien. Ben vas-y. 6, tu marques un point d'expérience. Ouais, t'inquiète pas, il est en train de le faire. Et tu peux poser une question, mais tu seras en partie responsable de la situation. Bon, bah, connais-je une forme de magie qui pourrait m'être utile ? Oui, effectivement. Au vu de ce que t'as dit, le grand pont, et de ce que tu vois, ça sent le démon à plein nez. Et du coup, une incantation en latin permet, en règle générale, t'en connais pas mal, de renvoyer le démon de là où il vient. Très bien, donc je vais m'équiper de mon Arcanum Sanctae, on va dire, du pape Paul II, et puis voilà. Ok, super. Jonah ? Oui, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais regrouper, avec l'aide de Jacob et Mietom, une fois qu'ils sont arrivés, on va regrouper les agressions, où est-ce qu'elles se passent, là où il y en a eu le plus, pour savoir à peu près où est où est-ce qu'il se trouve, mais où sont ses principales apparitions. Ok, très bien. Voilà, pour essayer de le traquer. Donc, est-ce que je fais enquêter sur un mystère ? Non, ça va se passer dans l'avion, je te raconterai dans l'avion. Cassie, pendant ce temps, tu étais encore en train de rêvasser, et tu peux faire sans doute ta manœuvre de début de session. Prémonition, c'est ce que je souhaitais faire. Voilà, donc 7, ça passe. Donc sur 7, en prémonition, vous recevez des images confuses. Ok. Du coup, tu es en train de rêvasser comme ça, et tu vois une sorte de fête un peu atypique. On dirait qu'il y a des gens qui sont déguisés, des drag queens, on dirait une gay pride un peu. Et il y a beaucoup de couleurs, et il y a une musique genre techno. T'as l'impression d'être dans un club. Et puis d'un seul coup, t'as une immense tache de sang qui te voile la vision, et tu reviens à toi. D'accord. Vous embarquez dans l'avion, vous avez pris tout ce qu'il fallait, et Tom fait un peu le rapport à toi, Jonah. Ouais. Vous êtes à côté, donc vous entendez, hein, Edgar et Cassie. Donc il t'explique qu'en fait, des agresseurs, il y en a plein, que c'est des gens... pour l'instant, ils n'ont pas réussi à faire de lien, en fait. D'accord. Et des victimes, il y en a plein. Et c'est un peu partout, c'est concentré sur le quartier de Hillcrest. Bah, je le remercie, et puis je vais me renseigner sur ce quartier. Hein. Ouais, bah, tu te renseignes. Tu te renseignes. Le quartier, tu vas appeler la police locale aussi, si c'est possible. Oui, ou alors oui, je vais faire ça. Carrément, c'est possible. En tout cas... En ce qui concerne Hillcrest, en te renseignant, tu apprends que c'est le quartier qui réunit la communauté LGBT de San Diego. D'accord. Donc les mœurs sont très libres. On peut y trouver des bistrots exotiques, des boutiques chic. Y a pas mal de clubs pour la nuit, les fêtes, tout ça. Et après, c'est un quartier multiculturel, mais avec un niveau social assez élevé, mixant richesse et artistes, en fait. Et le quartier se targue de sa grande tolérance et de son acceptation de tous les styles. Il y a d'ailleurs la San Diego Pride, qui est un festival LGBT de la ville, qui a lieu dans le quartier tous les ans en juillet. Et sommes en juillet. Justement, c'est bientôt, ouais. Et c'est sans doute l'événement majeur du quartier. C'est dans 2 jours. Non, parce que raisonner des mecs dans un village, genre à Kanak, ça va, mais raisonner des mecs qui se mettent une énorme murge, c'est un peu plus compliqué, hein. ça, ça sera ton job, hein, écoute. Oh non. Un soudoyer. Ah si, ça va être ton job. Ok. Ils seront plus influençables. Est-ce que vous faites autre chose sur le trajet, ou vous attendez d'arriver à San Diego? À San Diego, oui. Hein. Le quartier de Hillcrest est à San Diego. Alors, je vais essayer d'enchanter légèrement les objets de l'équipe pour contrer les possessions légères. Oh. D'accord. Incroyable. Donc ça fonctionnerait que pour les possessions très légères, donc au moins ça éviterait des petits incidents. Oui, ça peut être... Ok, très bien. Bon, on va faire la manœuvre. Hein. Ouais, ouais. Ouh, joli. Nice. Carrément. Oh. Très bien. Du coup, explique-moi comment tu fais, en fait, pour... Donc, je vais m'avancer vers l'équipe de Ber Jacob, Amy, Tom. J'ai également demandé à Jonah et à Cassie de venir. Et en fait, je vais juste poser ma main au niveau de, de leur nuque. Et en fait, ça va poser un tout petit glyphe au niveau de leurs vêtements. Donc, faut pas, bien sûr, il ne faut pas qu'ils changent de vêtements ou que le vêtement soit déchiré. Ok, très bien. Et du coup, l'objectif derrière, c'est vraiment qu'eux-mêmes ne soient pas possédés, en fait, par une possession mineure. Quand je dis des possessions légères, ça serait par exemple des... bien sûr, le démon pourrait rentrer en eux, ça c'est sûr. Mais par contre, ils ne seraient pas autant affectés que par une vraie possession. Ou alors, le démon, il ne pourrait pas intensifier leurs envies. D'accord. Voilà. Très bien. Magnifique. Ça marche, ça fonctionne. Les glyphes sont là. Super. D'autres choses ? Bah, moi, j'appelais la police locale. Donc, tu le fais du... Ok, très bien. Voilà, donc... Le téléphone sonne, tu tombes sur une standardiste qui te fait... Police, police, bonjour ! Oui, bonsoir, mademoiselle. J'aimerais savoir, puis-je parler au commissaire, s'il vous plaît ? Nous sommes du FBI. Vous êtes du FBI ? Pourriez-vous me donner votre nom, s'il vous plaît ? Et votre matricule ? Jonah Cospa, et mon matricule est le 97E78-82. Et mon numéro de téléphone est le 06. Elle fait une petite recherche pendant ce temps. Ah oui. L'inspecteur Harris, pour l'instant, est assez occupé, mais je vais vous le passer. Je vais voir s'il est disponible. Merci beaucoup, mademoiselle. Oh, t'entends une petite musique de standard, quoi. Hein. Et puis t'entends une voix assez sobre et sombre. Un gars... sobre et sombre, ouais, ça me paraît bien. Ouais. Okay, oui. Oui, bonjour. Inspecteur Harris, c'est ça ? Ouais, très bien. C'est pour vous dire qu'une équipe du FBI arrive sur les lieux bientôt. Je préfère vous en parler. Au cas où il y ait le moindre problème, vous savez que c'est nous. Donc là, je donne les matricules de Edgar, Cassie, et de Jacob, Amy et Tom. Ouais, j'ai pas appelé le FBI, en fait. Non, le FBI vient. Très bien. Bon, mais en même temps, vous savez quoi ? Les affaires pourries comme ça, je suis bien content d'avoir de l'aide. Ah bah écoutez, ça nous fait plaisir. Enfin, ça nous fait plaisir. On s'entend bien. C'est notre taf, c'est normal. Pas de soucis, vous arrivez bientôt ? Oui, on est... Alors là, il nous reste 4 heures de vol. Ok. Parce que là c'est chaud. Ouais, on arrive bientôt, ouais. Les hôpitaux sont débordés. Et nous, on n'a même plus une salle de garde à vue. Ils sont 3 ou 4 par jeune. Je passerai, vous me raconterez ça. J'aimerais bien évaluer. Ouais, mais avec plaisir. Eh bien, merci, monsieur Harry. Au revoir. Le trajet se poursuit et vous arrivez à Hillcrest. Donc, oh, le quartier. Wow. Le quartier branché de San Diego. Yes, j'y étais jamais allé. qu'est-ce que vous faites ? Donc vous arrivez pas de nuit, hein, vous arrivez de jour. Hein. La photo est un peu de nuit, vous arrivez de jour. Qu'est-ce que vous faites ? Position, on peut peut-être aller voir les personnes qu'il a dit justement qui sont en cellule. Essayer de trouver quelque chose en commun, un objet. Partir au commissariat ? Trouver quelque chose de similaire. Bah écoute, je trouve que c'est une très bonne idée. Est-ce que tu pourrais prendre des échantillons pour nous permettre de soit de repérer, soit de récupérer des possibles résidus magiques qu'on puisse étudier ? Moi, je peux faire ça ? C'est une question, juste. Ah oui, je veux bien, mais est-ce que j'ai la... Je sais pas, je m'y connais pas, peut-être pas assez en magie pour pouvoir faire ça, Edgar, je suis désolé. Oh, c'est juste des objets, t'inquiète pas, c'est juste des sortes de caméras. C'est pour voir si c'est présent ou pas. Ok. Ou si c'est déjà parti. Ouais, je veux bien, ouais, avec grand plaisir. Je m'occupe de la récupération, t'inquiète pas. Ah, cool, merci. on prend ma voiture ou pas ? Oh bah bien sûr qu'on prend ta voiture. Yes. Vous prenez la voiture à Jonah, et évidemment Jonah conduit, et en traversant Hillcrest, vous voyez que les gens sont flippés quand même dans la ville. On sent que les 160% d'augmentation des agressions ont choqué un peu tout le monde. Et tout le monde se regarde un peu en chien de faïence dans la rue. Mais il y a du monde encore, hein. C'est pas non plus désert. C'est quand même une ville, un quartier assez dynamique. Du coup, les gens sont encore dehors, mais voilà, ça se regarde en chien de faïence. Vous arrivez au commissariat, et en rentrant, effectivement, vous voyez un joyeux bordel. C'est-à-dire... des policiers en train de serrer des gars, menottes au poignet et de les mettre dans des, euh, dans des geôles et des gars qui sont là, mais enfin, je suis innocent, j'ai rien fait, je vous jure, et tout. Tous ont l'air différents, ça va d'une vieille mamie à un gars de 20 ans, il y a de tout, et un black, un blanc, enfin voilà, homme, femme, tout. Et il y en a partout, et ils se disent tous innocents. Qu'est-ce que vous faites ? Moi, je ferais bien une entrée stylée. Je veux rentrer en mettant mes lunettes, rentrer et faire « Bon, maintenant, tout le monde se tait !» Est-ce que je peux ? Ouais, vas-y. Cool. Ouais, ça fait choc, ça fait joli, ça fait nice. Ça fait nice, hein, on est d'accord. C'est bien parce que Edgar, il commence peu à peu à me laisser de plus en plus de liberté à la con. Il sait qu'il peut rien m'empêcher. Le souci, c'est que je sais que même si je t'empêche de le faire, tu vas le faire quand même. Donc... On va rentrer avec classe. Je rentre, j'ouvre les portes, je fais « Bon, maintenant, tout le monde saute, le FBI est là !» Là, d'un seul coup, la standardiste est là, comme ça. Oh, elle a la bouche qui se détache, tu sais, là, elle a mâchoire inférieure. sur son truc, elle a « Ouah, qu'il est beau !» Magnifique. Je remets mes cheveux au vent, ralenti. Elle montre du doigt comme ça, un peu sans parler. Elle te montre un bureau loin en te disant Je vais vers elle, je prends sa main et je fais merci beaucoup, mademoiselle. Et je lui laisse mes lunettes. Et je pars. Bah attends, et normalement c'est toujours moi qui étais dans le commissariat en tant qu'agresseur. Là cette fois-ci, je peux rentrer en mode hé! Hey! Eh ben, tout le monde est abasourdi, les policiers sont arrêtés 2 minutes en train de voir ton cinéma, quoi. Etc. Exactement. Voilà, waouh! Ce mec-là va arranger la situation, c'est faux! Très vite, ça reprend. L'ébullition continue, parce qu'il y a beaucoup, c'est bondé de monde. Ouais, bah oui. Et là, vous avez indiqué sans doute le bureau du commissaire, de l'inspecteur qui est tout au fond. Est-ce que, si jamais je fais une manœuvre d'enquêter sur un mystère, est-ce que du coup, on pourrait utiliser justement les caméras qu'on a ramenées pour vérifier vite fait s'il y a toujours la présence Sur des personnes. Ouais, sur les personnes. Ouais. Ben, en fait, il faut que tu me décrives, ce que tu vas faire, comment tu vas le faire. Parce que... Donc, j'ai juste m'approcher des gens et je vais utiliser notre appareil, donc une sorte de petite dernière caméra qu'on met proche de la personne et qu'on va prendre un scanner. Ok, très bien. En faisant ça, en fait, t'as pas besoin de GD. Hein. En faisant ça, tu remarques rien de particulier. D'accord. Rien qui dénote, quoi. Très bien. Ça, des gens normaux, il n'y a pas de si, en tout cas, pas là, quoi. Bon, ensuite, j'ai parti rejoindre Jonah. Et voir le... Ok, avec Cassie, du coup, peut-être que ton groupe est resté dehors. Que vous soyez je leur ai demandé de prendre, de recueillir les. De recueillir les avis de tout le monde. Enfin, pas de tout le monde, mais genre de faire des « Ok, toi, va prendre une information et tout. » Ok, donc ils sont dans le commissariat en train de parler, de tapoter. Voilà, c'est ça. Ils sont... Je leur ai dit « Voilà, vous dites que c'est le mec stylé qui est rentré, qui vous envoie, et puis voilà. » Ok, très bien. Vous arrivez devant la porte de l'inspecteur Harris. Vous toquez, vous rentrez. Enfin, voilà, il vous dit « Oui, oui, rentrez. » Et vous découvrez l'inspecteur Harris, qui a un air vraiment de vieux de la vieille, quoi, tout droit sorti d'un roman de polar. Que ça soit dans son air, sa posture, son débit de parole, c'est assez flegmatique, mais pas british, plutôt désabusé, quoi. Comme s'il en avait assez vu de crimes sordides dans sa vie. Il vous regarde comme ça, il fait « Ah, c'est vous le FBI. Écoutez, c'est vraiment compliqué là, en ce moment, ça fait 2 semaines. Là. Des agressions en pagaille, les agresseurs sont des personnes lambda, les agressés sont des personnes lambda, j'ai vraiment du mal, c'est la première fois que je tombe sur une affaire comme celle-là. Ouais, bah, écoutez, nous sommes ici pour gérer ce genre de cas, donc nous sommes l'équipe du recap. D'accord. FBI, donc on sera là, donc on compte sur votre soutien total pour nous aider au sein de cette ville. Ouais, je ferai comme je peux, en tout cas pour l'instant... Les pistes sont minces. On a potentiellement un club à vérifier. D'accord. Il se trouve où, ce club ? Il se trouve à Hillcrest aussi. Ça s'appelle le Devil Dance. C'est trois rues plus loin. Ok. On a ce club à vérifier parce que sur le lot d'agresseurs, On va dire qu'il y a peut-être environ 70% qui ont déjà fréquenté ce club. Mais ça reste une piste mince. Et on a une seconde piste, mais pareil, qui est assez mince aussi. C'est une psychothérapeute qui vient d'arriver en ville, qui s'appelle Cynthia Desmarais. On a la plupart des agresseurs qui ont suivi une psychothérapie chez elle. Je pense que ma collègue, la psychologue en charge d'essayer de décortiquer un peu tous ces agresseurs, elle se trouve dans le bureau en face, c'est Marie Readers. Je pense qu'elle pourra mieux vous renseigner que moi. En tout cas, moi, ce soir, je sais où je dois aller, et c'est au Devil Dance. D'accord. Bon, on sait pourquoi il y va. Ouais, moi j'ai peut-être une petite idée. Je vais aller voir les psychologues, ouais, psychiatres, tout ça, là, avec mon équipe, et puis avec Jacob, Amy et Tom, et puis Edgar et Cassie. Peut-être aller à un endroit où la magie, vous avez peut-être plus besoin d'être fort, enfin de voir à peu près la magie, ou s'il y a le moindre problème, sachant que moi, si c'est pour parler à des thérapeutes, ça devrait aller. Oui. Okay. Oui. Surtout que d'après ma prémonition, il risque d'y avoir une attaque ou quelque chose dans le genre dans un club. Oui, oui, c'est vrai qu'il y avait ta prémonition là-dessus. Très bonne idée, ça. Par contre, prends bien ton équipe avec toi. Ouais. Comme ça, au moins, tu seras au cas où tu auras de la protection. Ils assurent tes derrière. Ouais, ça devrait aller normalement. J'ai de bonnes personnes. Super. Donc, Jonah, avec ton équipe, en fait, tu vas voir dans le bureau en face Marie Readers. C'est ça. Marie Readers, et après j'irai voir Desmarais. Et pendant ce temps, Edgar et Cassie, vous partez au Devil Dance? C'est ça? Ou j'ai pas... C'est pas exactement. C'est exactement ça. D'accord. Ben, on va commencer par toi, Jonah. Yes. Je dois reparler. Du coup, vous sortiez du bureau en remerciant, j'imagine, l'inspecteur Harris. Et toi, Jonah, tu vas dans le bureau en face et donc tu... Mais je laisse mes clés de voiture à Edgar. Ok. Ouais, j'aurais pas besoin de leur besoin. Bah, pour aller au Devil, à moins que le mec... je sais pas. Ouais, c'est à 3 rues d'ici, hein, c'est pas loin. Non. Ouais, bah quand même, c'est le clé de ma voiture, c'est bon. T'inquiète. Mais quel gentleman. Oui, quel gentleman. Ok, ça marche. Du coup, tu rencontres Marie Readers, qui t'explique un peu ce que t'avais dit l'inspecteur, qui te dit, oui, voilà... Ben moi, sur les agresseurs, je suis un peu embêté. Et le seul lien que j'ai trouvé entre eux, c'est cette consoeur, Cynthia Desmarais. Et comme c'est une consoeur, j'ai pris rendez-vous avec elle pour discuter un peu de quel type de psychothérapie il suivait chez elle. Elle est arrivée il y a 2 semaines, mais elle s'est fait une réputation très vite, notamment grâce à Madison Foster, qui est une influenceuse instagrammeuse très connue. De Hillcrest. Et du coup, je vais aller la voir, je vais essayer de voir un peu ce qui... Écoutez, Madame Rivers, cela vous dérangerait-il que je vous accompagne, mes amis et moi-même, j'ai besoin d'informations aussi. Écoutez, ça me ferait grand plaisir de parler avec quelqu'un de la police. Bah écoutez, moi je suis psy, hein. Après je suis pas policière, hein. J'étais embauché pour étudier les comportements des agresseurs. C'est vrai. Excusez-moi. Après, c'est pour ça, je vais voir ma consoeur en espérant trouver plus d'infos auprès d'elle, quoi. Eh ben écoutez, je vous accompagne si cela ne vous dérange pas. Non, on verra après, une fois sur place. Je suis pas sûr qu'elle ait envie qu'il y ait 1, 2, 3, 4, 5 personnes dans son bureau, mais bon... Bah écoutez, ils attendront dans la voiture. D'ailleurs, la voiture... Vous avez une voiture ou... Oui, tout à fait. Elle est garée à son parking. Parce qu'à ce moment-là, je me rends compte qu'en fait, j'ai filé les clés à Edgar et je suis en mode « Ah, attends, merde, Yannis, c'était un beau geste, mais c'était un beau geste, Jonah. » Pendant ce temps, Edgar et Cassie, vous dirigez vers la sortie et il se passe quelque chose d'étrange. Toutes les personnes autour de vous qui ont les menottes au poignet ou qui sont dans des cellules... Cassie, tu remarques très furtivement une sorte de flamme jaune qui traverse leurs yeux. Et d'un seul coup, c'est la pagaille. Ça commence à taper dans tous les sens. Une agression généralisée dans l'ensemble du commissariat, dans le hall. Ceux qui ont les menottes s'arrachent des mains des policiers. Ils commencent à se taper dans tous les sens. Il y a des viols qui se passent dans les geôles entre eux. Enfin, c'est un bordel sans nom. Qu'est-ce que vous faites ? Oh, waouh. Je serais tenté de leur lancer une malédiction qu'ils soient malades, mais si je fais un échec critique, ils risquent de mourir. Moi, je vais utiliser ma magie pour essayer de... Enfin, je vais me précipiter vers un maximum de monde et essayer de les toucher en essayant de les... De dire ma formule latine favorite, c'était quoi déjà dans l'exorciste? Attends. Ah, oh, Vade Retrum Satanas. Ouais, on va partir sur le classique Vade Retrum Satanas, un maximum de monde. Et ben, tu passes comme ça de gars en gars en disant Vade Retrum Satanas, Vade Retrum Satanas et tout. Et ça n'a pas l'air de fonctionner et tu te prends un pain, tu prends un de dégâts, tu tombes à terre et il y a un gars qui commence à t'agresser. À t'agresser. Pendant ce temps, Cassid, qu'est-ce que tu fais? On est d'accord qu'on a nos armes sur nous? Ouais. D'accord. Je lui pointe mon fusil sur lui et je lui dis de s'éloigner. Je le menace. T'as ton fusil sur toi? Bah, on a le droit d'avoir nos armes, non? Ouais, c'est vrai. Oui, après, on est en Amérique, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui. Et tu pointes sur qui? Sur la personne qui agresse Edgar? Oui, et je le menace. Il n'entend pas du tout tes menaces et il continue à frapper Edgar qui se reprend un point de dégâts. Merci beaucoup pour ton utilité. Et bah, du coup, je vais mettre une malédiction du droit. On va rembobiner un peu, tu vas quand même faire manipuler quelqu'un. On va voir si on peut changer un tout petit peu la fiction. Les pauvres poils d'Edgar, sinon ils vont tomber vite. Je vais faire manipuler quelqu'un? Ouais. Oh là là! J'ai de la prestance ou pas? Bah avec un fusil, ouais. Ouais, quand tu pointes ton fusil sur lui, il se retourne vers toi, il laisse Edgar, il te regarde, tu vois un regard un peu comme s'il y avait une haine énorme dans ses yeux et il fonce sur toi. Est-ce que tu fais quelque chose? Moi, je vais juste l'intercepter, je vais le plaquer, je vais lui faire un plaquage et je vais utiliser ma magie contre lui. Ok, ben bah vas-y. Qu'est-ce que tu cherches à faire avec ta magie? Juste à l'entraver. Ok. Qu'il soit immobilisé? Voilà, c'est pour ça que j'ai fait un plaquage. Je vais essayer de le... Comment dire, un truc tout simple, alourdir fortement ses vêtements. Ok. Bah là, il va tenir au sol. Voilà, c'est moi qui malheureusement. C'est moi qui ai éclaté au sol là aujourd'hui. Et alors que tu es en train de faire ton incantation sur lui, effectivement, il est plaqué au sol, ses vêtements sont très lourds. Et derrière toi, il y a quelqu'un qui a ses menottes et qui commence à te prendre au niveau du cou, tu sais, en mettant les menottes devant, les mains devant, comme ça. Et il commence à te prendre au niveau du cou et à serrer. Et il te fait deux de dégâts. Est-ce que vous sentez que j'ai mouru avant le... et il commence à serrer très fort. Cassie, tu vas pouvoir intervenir, mais Jonah n'est pas intervenu depuis longtemps. Et là, avec Marie, ils ont entendu du bruit quand même qui se passait. Je sors du bureau. Ouais. Je vois la cohue générale. Du bureau, d'ailleurs, tu croises l'inspecteur Harris qui fonce vers le tas, quoi, vers la cohue, vers le président. Qu'est-ce que tu fais, toi? J'aimerais beaucoup essayer de... j'aimerais bien leur commencer à m'échauffer, parce que ça commence à me... Enfin, les violences physiques, tout ça, de voir autant de bordel, j'aime pas du tout ça. Violence physique, sexuelle, enfin ça part dans tous les sens. Et donc du coup, j'aimerais bien, je veux essayer de les raisonner genre en mode en tirant trois coups et en essayant d'être le plus intimidant possible, mais presque à utiliser de la magie en fait, à utiliser mon artefact peut-être, mon petit pendentif, je sais pas. Tu tires trois coups en l'air en fait et, Ouais, en fait j'aimerais bien leur parler, je peux parler dans toutes les langues et j'aimerais bien pas parler dans la langue, je sais pas si c'est un démon ou tout ça, mais... si c'est un démon, essayez d'accéder à un truc en mode maintenant vous, genre calme, tu vois. D'accord. Si c'est possible. Je sais pas si mon personnage est capable de faire ça. S'il n'est incapable de faire ça, il va juste. Est-ce que toi, tu penses qu'il est capable de faire ça? Je pense qu'il est capable de faire ça, mais avec un bon malus et je ne sais pas quelle compétence utiliser. Enfin, quelle manœuvre utiliser. En l'air, si tu tires en l'air, moi je pense que c'est plutôt. Quand c'est pas, souvent on agit sous pression. Je vais agir sous pression. Ouais. Voilà. Et par contre, Cassie, en fonction, Cassie, toi, t'as, t'as ton mentor Edgar qui est en train de se faire étrangler, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Casse-lui la gueule, putain! Clairement, je vais faire ça. Savoir comment, mais après, regarde, j'ai des armes. Alors moi par contre j'ai fait 13, donc je vais tout calmer tout le monde. Vous voulez péter la gueule ou Jonah passe avant moi? Bon mais du coup je vais lancer avant, tant pis. Ok. C'est parce que je voulais que Cassie en fait joue avant. Ah merde, désolé. Mais tant pis. Jonah, tu tires 3 coups en l'air, et en tirant les 3 coups, t'as l'impression que tous les gens se réveillent quoi. Ils s'arrêtent tous net dans ce qu'ils étaient en train de faire. Et ils commencent à se regarder et à regarder leurs mains. Certains commencent à pleurer. Le gars qui était en train de te serrer le cou, Edgar, relâche la pression. Ils savent pas ce qu'ils viennent de faire. Ou alors, je sais pas, il se passe un truc bizarre. L'inspecteur Harris rentre dans une des jeunes où un policier avait tenté de séparer certains. Et on voit qu'il a une matraque plantée dans l'anus. Je crois qu'il y en a un accusé de policier aussi. Il touche comme ça le cou du policier, puis on voit qu'il relève la tête, qu'il la secoue un peu, il dit non, il est mort. Sans doute que la matraque est remontée jusqu'à l'estomac, on ne sait pas. Qu'est-ce que vous faites? Moi perso, après avoir fait ça, je vais faire... Bon, maintenant que tout le monde est calmé, vous allez bien vous arrêter, vous allez écouter messieurs les policiers, et... voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous allez bien écouter, messieurs les policiers. Maintenant, je m'en vais. Si je reviens avec c'est le bordel comme ça, les 3 balles, elles seront dans le corps de quelqu'un. Ok. Commence à me saouler, là, les gosses. Alors, moi, en attendant, je vais juste me mettre sur le côté pour me reposer, parce que là... j'ai un peu de prendre cher. Vas-y, attends. Ouais, t'es pas bien, ouais. Ouais, je suis... Donc, Edgar, t'es pas bien, effectivement. Tu as des marques au niveau du cou qui sont assez prononcées. Cassie, tu vois ça, hein, tu vois ton... Ouais, je vais plutôt aller voir son état et le mettre hors du danger, on va dire. Je vais essayer de le redresser, de voir dans quel état il est. Ok, d'accord. Est-ce que tu veux éventuellement utiliser de la magie de soin sur lui ou des choses comme ça? Non, je peux le faire, effectivement. J'y avais pas pensé. Oui. Comment tu ferais, en fait Comment on verrait la scène, ce que tu fais? Je m'approcherai de lui déjà, j'essaierai de voir où est ses blessures. Du coup, je vais me concentrer, parler un peu dans une espèce de langue un peu bizarre. Et il y aura une petite lumière et ça le soignera un petit peu au cou. Bien, on va voir ça. Montre-nous comment t'es bizarre. Ouais, moi je suis bizarre. Une lumière bleue émeraude. Une lumière bleue émeraude, du coup... s'illumine Edgar, tu sens que ça te fait du bien quoi, et tu regagnes un point de vie. Ça va. L'aventure n'est pas finie pour toi, Edgar. Le conseil est d'essayer de pas m'éliminer. Pour l'instant, les policiers ont remis les personnes en cellule. Les personnes en cellule ont l'air hébétées. Marie est arrivée. Elle a vu un peu le désastre. Pareil, elle est pas très bien. Et elle s'apprête à partir du coup vers le cabinet de Madame Desmarais. Et elle passe devant toi, Jonah, et vous venez avec moi? Oui, bien sûr. Ouais. Là, tu vois que beaucoup plus que tout à l'heure, elle est contente que tu viennes avec elle. Yes. Voilà. Mais ce que j'aimerais bien aussi dire, c'est si je vois Harris... Ouais. Est-ce que en passant, je vois Harris? Oui, bien sûr. Ok, j'aimerais bien lui prendre l'épaule et lui dire « attachez tout le monde, attachez tous ceux qui ont déjà agressé ou qui se sont fait agresser », parce qu'ils pourraient se réagresser. Est-ce que... Alors, des agresseurs sont devenus des proies ou pas, des fois? Ah, ils se sont agressés entre eux aussi, ouais. Oui, c'est sûr. D'accord, ouais. C'est une colle générale, c'est une discorde. Ah oui, clairement, c'est vraiment la mêlée générale. Ok, donc du coup, je dis « attachez tout le monde », et puis si on vous dit que vous n'avez pas le droit, dites que c'est de la part du FBI. Bien compris, de toute façon, vous avez bien raison et je suis bien d'accord avec vous. Et il commence à donner ses ordres pour effectivement attacher tout le monde et que tout le monde soit les menottes et au niveau des barreaux, histoire de ne pas pouvoir bouger, quoi. Ok, ça marche. Cassie, Edgar, est-ce que vous continuez sur les coups ou est-ce que vos plans changent ou... Non, moi, mes plans n'ont pas changé. Par contre, j'ai juste interpellé Jonah et Cassie et je vais leur donner chacun des on va dire des rules faciles d'utilisation. En fait, il suffit juste de les appliquer sur quelqu'un et ça l'assomme pendant un petit bout de temps. Oh, c'est trop pratique ça. Ouais, mais c'est pas aussi puissant. Ça fonctionne que sur. C'est un taser. Voilà, c'est moins puissant. D'accord. Et du coup, t'as les aléas de la magie, ça peut ne pas fonctionner. Ah, bah du coup, je vais peut-être prendre un taser. Non, s'ils sont complètement fous, un taser, ça va rien faire. La magie, ça peut aider. C'est dans ces cas-là, en fait, comparé au taser, ça va être un légèrement plus efficace. Mais il y a toujours le risque d'échouer. Donc, tu donnes une rune à chacun de tes coéquipiers. C'est bien ça, Edgar ? Ouais, c'est ça. Alors, par contre, du coup, je sais pas combien de fois ça va fonctionner. Je vous préviens tout de suite, ça peut comme fonctionner une fois comme ne pas fonctionner. Donc, attention à vous. Ok, merci, chef. Avec plaisir. Ça marche. Cassie, Edgar, vous partez donc vers le Devil Dance. Et Jonah, tu pars avec Marie. Chez Desmarais. Ok, donc vous êtes séparés, on va faire ça séparément. Du coup, Edgar et Cassie, vous arrivez au Devil Dance, qui est pour l'instant pas vraiment ouvert au public, en tout cas, puisqu'on n'est pas encore la nuit et que c'est un club, donc ça ouvre principalement la nuit. La porte n'est pas fermée. Il y a un peu de bruit à l'intérieur, sans doute qu'ils sont en train d'installer peut-être pour la nuit. Vous souhaitez rentrer ? Moi, je souhaite rentrer. Oui, on les interroge. C'est ça, on va les interroger. Vous rentrez et là, vous faites face à un gars, un gros gars, bien baraque, qui vous regarde un peu de haut en bas comme ça. Quand il vous regarde de haut en bas, il s'arrête un peu plus sur toi, Cassie. Mmh. Et Cassie, tu sens comme un malaise à l'intérieur de toi, quelque chose qui va pas, qui est différent. Tu sens que c'est comme si... pareil, lance-moi 2d6 plus bizarre. Donc en utilisant la magie, par exemple, ça peut marcher. Utilise la magie. Ouais. Ouais, ça fait pareil, hein, c'est 2d6 plus bizarre. Nice. Ouais. Ok. Tu ressens qu'il a... Il n'a pas envie de t'agresser ou envie de toi ou un truc comme ça. Non, c'est plus autre chose. C'est comme s'il venait de découvrir quelque chose, en fait. Et tu entends ses pensées. Et tu entends un mot répété dans ses pensées, la clé. Et il vous demande, qu'est-ce que vous faites là ? Oh, je vais juste sortir ma plaque. Bonjour monsieur, nous sommes du FBI, nous venons suite aux différentes agressions dans le quartier. Ouais, qu'est-ce qu'on a à voir là-dedans ? Écoutez, je voudrais voir le gérant. C'est moi le gérant. Eh merde. Les honneurs. Eh ben écoutez... On a juste pu voir qu'il y avait beaucoup d'agressions chez vous, par contre. Simplement que votre lieu est un lieu de rassemblement et on voudrait avoir votre avis par rapport à ce qui s'est passé et quel est leur comportement qui pourrait vous paraître étrange. Il bloque, quand il te regarde, il bloque et tu entends toujours ces mots en boucle dans ta tête, comme s'il te parlait dans ta tête. Dans une malédiction. Mais non. Il m'a pas agressé, je vais me faire malade ou quoi. Par contre, est-ce que c'est un truc qu'il a ou un point ? Comment ? Moi, je parlais avec. Je réfléchissais avec. D'accord. Et du coup, il te dit étrange ? Je ne sais pas, qu'est-ce qui est le plus étrange ici, avec un regard insistant sur toi, justement, Cassie. Oh, ouais. Merde. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes dans la salle à part lui ? Non, il a l'air d'être seul. Il était en train de bouger des chaises, des tables. Il installe sans doute pour la fête qu'il va y avoir dans la nuit, comme toutes les nuits dans un club. D'accord. Est-ce que moi je... Ouais, juste, est-ce que moi je remarque que Cassie, et du coup elle s'interroge, ou est-ce que je remarque qu'il est bizarre ou pas le géant ? Est-ce que... vas-y, Edgar, est-ce que tu vois que Cassie a pas l'air dans son assiette ? Je vois que, en fait, Cassie, elle a ce regard un peu intrigué, mais du coup je sais pas trop ce qui se passe. Je sais que c'est le regard qu'elle fait quand elle utilise son pouvoir, enfin après avoir utilisé son pouvoir de prémonition. Ouais. Donc je sais pas trop ce qui se passe, en fait, sur tout ça. D'accord. Et du coup, est-ce que tu veux agir d'une manière ou d'une autre par rapport à ça ? Tu vois que la situation est bizarre. Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est ça la question. Qu'est-ce que je veux faire là-dessus ? Bon, vous me laissez bosser ou pas ? Faire quoi ? Il veut qu'on le laisse bosser. Il vous regarde comme ça, il se relève un peu, il était en train de poser des choses, des tables, il se relève un peu, bon ben maintenant vous allez me laisser bosser, et puis là on va passer à Jonah, et puis après on repassera. Ouais. D'accord, je vais réfléchir un peu de mon côté alors. Tu vois, avec Marie. Ouais. Vous arrivez bientôt, pas très loin, c'est pas très loin non plus, le quartier de Hillcrest est pas non plus très très grand. Ok, je remarque juste que sur toute la route, Jacob regarde longuement Marie. Il a l'air un peu gêné, okay. Ce qui fait que j'en suis extrêmement amusé. et que du coup, j'essaie de faire des petites pincettes en mode « Ouais, bien sûr. » Alors, vous savez, j'ai de super histoires avec mon pote qui est juste là. Et voilà. Donc, il se passe un petit échange en voiture et vous arrivez assez rapidement à la salle d'attente, enfin, dans le cabinet donc de Cynthia Desmarais. Et vous êtes accueilli dans la salle d'attente par... Stacy Jackson, qui semble être la secrétaire peut-être de la psychothérapeute, qui a un teint un peu pâle, affable. Elle semble assez fatiguée, on dirait presque qu'on la réveille. Et vous dit oui, vous désirez. Je suppose que Marie commence à prendre la parole. Marie a dit oui, j'avais pris rendez-vous avec Madame Desmarais pour un entretien. Ah oui, c'est vrai. Et qui sont ces gens avec vous ? Alors, excusez-moi Marie, je me présente. Enchanté, vous êtes ? Comment ? Qui êtes-vous, votre prénom ? Je m'appelle Stacy. Enchanté, enchanté Stacy. J'aimerais savoir quelque chose. Je trouve que vous avez un teint très pâle. Voilà, j'aime beaucoup la science des visages et je trouve que vous avez un teint très pâle, voire fatigué. Je suis assez crevé, ouais. Je dois bien l'avouer. Vous avez fait la fête récemment ? Un peu tous les soirs. Ah, vous avez été où ? Oh, ben, le club le plus branché d'Hillcrest, hein, le Devil Dance, bien sûr. D'accord. Excusez-moi, alors voilà, je montre mon badge du FBI. Je fais, bon, alors voilà. Je suis désolé hein, de m'amener comme ça, hein, je fais partie des fédéraux. J'aimerais que vous restiez à l'endroit exact où vous allez, que vous ne fassiez rien du tout. Vous allez me donner votre adresse, votre numéro de téléphone. Et surtout, s'il vous arrive quelque chose, attendez. Là, je retire mon premier t-shirt, parce que j'ai deux t-shirts, je garde que celui à manches longues. Je retire là où il y a la marque de la possession, et je lui donne, et je fais, vous m'enfilez ça aussi, non pas pour mon plaisir personnel, mais quelque chose me dit que ça vous sera très utile. Je le récupérerai à la fin, bien sûr, ne gardez pas mes affaires. Je devrais vous rendre visite, sinon... Là, en fait, tu lui donnes le truc où il y a le glyphe d'Edgar. C'est ça. D'accord. Et du coup, tu lui demandes de l'enfiler de suite. Je lui demande de vous me l'enfiler de suite, s'il vous plaît. Et ensuite, je vous demande, c'est par là-bas ? Ok. Et je me dirige directement vers le bureau sans lui demander l'avis. Ou... Enfin, voilà. D'accord. Est-ce que je dois faire tête pour qu'elle m'écoute à fond ou je sais pas. Non, c'est bon. Okay. Stacy, regarde le t-shirt comme ça, elle t'a donné son adresse, tout ça, et tu vois qu'elle pose le t-shirt à côté pendant que donc tu t'avances. Alors, je me retire, je fais, non, vous le mettez par contre. Elle a l'air très hésitante. Ça va, je pue pas. Ok, bon, peut-être j'ai pas pris une douche depuis un jour, mais... Elle a l'air très hésitante, et elle dit, non mais je le ferai, vous inquiétez pas. Attendez, je me rapproche vers elle... Non, je crois que vous avez pas compris. Vous le mettez devant moi maintenant. Ordre du FBI. Cynthia, je pense qu'il y a des gens pour toi. Non, attends. Elle a appuyé sur un petit interphone. Tu entends une voix assez suave. Oui, j'arrive. Oh, alors déjà, ça m'intrigue beaucoup. Mais premièrement, je vais faire. Ok, alors je récupère le t-shirt. Je vous préviens, mademoiselle. Si alors là, attends. Là, tu récupères pas le t-shirt est là sur le côté là. Ah, d'accord. Et bah, du coup, je peux lui faire. Bon, vous le mettez ou je le reprends ? Ah, là, il va falloir essayer de manipuler quelqu'un, là. Ok. Mais alors, pourquoi ? Pour le manipuler ou pour qu'elle me le rende ? Bah, je sais pas, qu'est-ce que tu veux le plus ? Moi, je pense que là, actuellement, vu qu'elle a l'air vachement hésitante, je vais pas lui demander de l'enfiler. Je vais plutôt le prendre avec moi. Là, elle veut te faire ni l'un ni l'autre. Donc, si tu veux, elle veut pas le mettre et elle veut pas te le rendre. Ah, ouais, c'est trop étrange. Non. Ah, lourd ! Yes ! Bon, du coup, Cynthia, je suppose qu'elle arrive et puis. Aïe. Allez, alors, c'est quelle couleur déjà les points de compétence ? C'est bleu ? C'est vert. C'est vert ? Bon, bah, Allez, hop. Voilà. Ok. Du coup, quand tu essayes de hausser le ton un peu avec elle, la porte s'ouvre et Cynthia apparaît. Et elle te dit... elle s'adresse à Stacy, en fait. Elle lui dit... Il se passe quelque chose, Stacy? Oui, surtout lui, là. Jonah. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Il essaye de m'intimider, là. Ça va pas du tout. Elle s'approche de toi et elle commence à mettre sa main sur ton visage. Enchantée, mademoiselle. On peut prendre un restaurant avant. Mais vous êtes super mignon, en fait, Jonah. Et elle lâche, elle enlève sa main comme ça. Vous voulez me suivre dans le bureau? Oui, bien sûr. Je dis à Jacob et Amy et Tom de rester dans la salle. Et je fais oui, bien sûr, avec grand plaisir. Et je me laisse happer par son charme. Tu rentres avec Cynthia et Marie, et effectivement, tu es happé par son charme. Pendant ce temps... Et je fais des grands gestes en me retournant à Amy de façon muette, genre... Ok, ça marche. Pendant ce temps... Edgar et... Oui. Edgar et Cassie, vous étiez donc au Devil Dance avec ce cher Teddy, le patron du Devil Dance, qui te regarde, Cassie, toujours d'une manière assez étrange. Ouais. Assez étrange. Est-ce que là, il vous a clairement demandé de partir, en fait, hein, très clairement, en vous demandant de le laisser bosser. Qu'est-ce que vous faites? On reviendra plus tard de toute façon, donc... En fait, c'est... Ouais. Bon, bah, du coup, je vois que Edgar est un peu tatillon à partir sur le champ vis-à-vis de l'étrangeté de la situation, et je me tourne vers lui, je lui demande droit dans les yeux en le regardant d'un air déterminé, vous avez perdu une clé? Il fait un mouvement de recul, et il bafouille... Il bafouille quelques mots. De quoi vous parlez? Bon, allez, laissez-moi travailler maintenant. J'ai rien perdu du tout. Ouais. Il m'a mis en difficulté deux minutes, quoi. Et ouais, du coup, je vais. Je vais essayer de le pousser. Je suis désolé, mais... Non. Attends, il fait un mètre de plus que moi, c'est ouais, bon. Edgar, alors je t'adore, hein, mais vraiment, il a l'air de faire trois fois ton poids. Vas-y, prends ton courage à l'avant. J'ai peut-être chialé, finalement. Hein. Bon, bah, du coup, on repart de lui pour l'instant. D'accord, peut-être que vous mettez dans un coin de rue, peut-être que Cassie, tu racontes un peu des choses à Edgar sur ce qui s'est passé. Ouais, je lui explique ce qui s'est passé. Et je pense essayer de sonder, en gros, de faire à l'écoute pour essayer de trouver la créature où c'est qu'elle est, puisqu'il y a évidemment quelque chose qui en a après nous, et notamment particulièrement moi, a priori. Il y a peut-être quelque chose après toi, ouais. Après, il y a quand même des agresseurs aussi, des agressions. Tout dépend de ce que tu recherches, en fait. La personne qui a après toi ou la personne qui est l'auteur des agressions C'est vrai que si on cible pas très bien la créature en ce moment... Donc à faire, on va essayer de le cibler lui, je pense, pour ouais, voir... Je pense, ouais. Du coup, je vais faire... Tu cibles sur lui. À l'écoute, et... Ouais. Attends, est-ce que du coup, je peux lui filer un coup de main? De quelle manière comptes-tu lui filer un coup de main? Alors, soit j'ai l'aide magique, soit je peux l'aider à se concentrer, j'imagine, vu que je lui ai appris à faire. D'une manière, non, je te pose la question plus d'une manière fictionnelle. Qu'est-ce qu'on voit à l'écran, en fait, quand tu lui files un coup de main? Oh, comme la dernière fois, je vais juste. J'ai posé mes mains sur ses épaules et je vais. Okay. J'imagine que je vais lui transférer quelque chose, de la magie. Bien aidé. Ouais. Je vais te booster. Booster en fait. La sérénité, déjà, ça peut peut-être pas mal aider Cassie à. Ah, bon, ok, très bien, bah, tu peux filer un coup de main, vas-y. Oh la vache! Oh, non, bon, alors là, tu... Très bien, donc sur un plus, ça vous confère un G, un plus. Donc tu as plus 1, sur un 7-9, tu as une réserve de 1, tu peux me poser une question. Que compte faire cette personne? Eh bien, en ce moment, elle est en train d'installer le bar. Et d'installer tout pour ce soir. Compte-t-elle faire en ce moment même Elle compte continuer à bosser, quoi. Après, elle a un truc en tête qui s'étend au visage. Et tu sens que clairement, elle va chercher à te retrouver bientôt. Et peut-être, peut-être à s'en prendre à toi. Effectivement. D'accord. En tout cas, elle est en train de bosser, mais c'est ce qu'elle est en train de faire en ce moment. Mais ce qu'elle peut faire, c'est sans doute te kidnapper quelque part, peut-être. D'accord. Donc, je partage mon impression étrange à Edgar qui est avec moi. Et du coup, on fait quoi maintenant? On rejoint... Déjà, on va prévenir Jonah par nos oreillettes. Ouais. Ce sera déjà pas mal, je pense. Jonah, tu nous reçois? Alors, ouais, deux secondes. Ok. Je suis... ouais. Ah, bah, contactez Amy. D'accord. Je lui envoie le numéro de Amy. Et moi, lorsque je rentre par la porte, je sais pas si c'est à mon tour. Ouais, vas-y. Lorsqu'en fait je rentre dans la salle, en fait j'envoie un texto en même temps. Tac, j'envoie ça. Donc prends t-shirt et Marie, prep Colt Tom. Je l'envoie à Amy et je lui envoie tac et comment elle s'appelait déjà Stacy. Voilà. Et je lui envoie bien sûr un xoxo. Et voilà. J'envoie ça et j'envoie ça à Amy pour la prévenir d'essayer de prendre mon t-shirt et de faire attention à Marie et de préparer le Colt de Tom, qui je sais qu'il a toujours un Colt sur lui, d'attaquer Stacy au cas où. Et xoxo, c'est bah voilà quoi. Bisous. Ouais. Bisous. Exactement. De toute façon, comme je sens que l'autre, là, après m'avoir pris mon visage, elle allait prendre mon t-shirt et ma dignité. Alors, je suis prêt à subir le courroux. Ça marche. Du coup, attends, Edgar, d'abord, t'appelles Amy. Ok. C'est ça. Ouais. Et après, on va passer sur toi, Jules. Ouais. Ah, ok. Ouais, tu veux la jouer là, hein, vas-y. Bah ouais. Ouais. Ouais. Ouais, je te reçois. Donc voilà, donc on était à la boîte avec Cassie. Donc on a rencontré Teddy le géant, un gars un peu balèze mais un peu étrange. Ok. Alors attends, je viens de recevoir un message de Jonah. Ok, il va falloir faire attention. Est-ce que vous pouvez venir sur place et on reviendra dans le club. Putain, cette voix. Ouais, de toute façon, c'est pas encore ouvert ici, donc. J'essaye de. Elle a pas l'air sérieuse. Non, elle a pas l'air sérieuse du tout. J'arrive pas du tout à faire les voix. Ok. Et préparer des armes. Oula, c'est quoi ces conneries? C'est tout. Et après, elle coupe. Ah merde. Ok, on passe à Jonah. Et vous réfléchissez comme ça à ce que vous prenez Cassie Edgar de votre côté. Jonah, du coup, t'arrives dans le bureau de. Oui, de Madame Desmarais. De Cynthia. Cynthia Desmarais. Tu es accompagné de Marie, qui a suivi. Ah merde, pardon. Ouais, Marie. Je savais pas. Oui, et donc Cynthia s'adresse. Elle te regarde du coin de l'œil. Tu sens qu'elle a un regard très aguicheur. Ah putain. J'ai déjà mon plan en tête. Elle se tourne vers Marie. C'est vous qui. Vous deviez venir, je vois que vous avez amené un beau jeune homme, c'est bon ça. Merci beaucoup, mademoiselle. Que voulez-vous savoir? Est-ce que tu veux intervenir, Jonah, avant Marie? Non, je vais laisser pour l'instant Marie, je vais juste lancer des grands regards à Guichefer aussi, à Cynthia. À Cynthia? Très bien. Ouais. Du coup, Marie commence à lui expliquer la situation, comme quoi voilà, tous les agresseurs ont suivi une psychothérapie chez elle, et Cynthia y répond tranquillement, effectivement, ce sont des personnes un peu tourmentées. Après, le lien n'est pas si facile à faire. Effectivement, j'ai ressenti qu'ils avaient un peu de haine en eux et je suis là pour les aider, en tout cas, dans cette démarche de développement personnel. Question HRP. Oui. Question HRP. Si tu ne me réponds pas, ça voudra peut-être te dire quelque chose, mais voilà. C'est que j'ai cru entendre au début que, justement, c'était la plupart des gens qui ont agressé étaient venus chez elle avant, pas après. Est-ce que c'est un fait? Tout à fait. D'accord, ok. Alors, dans ce qu'elle est en train de dire, c'est que effectivement, les personnes avaient des soucis. Non, mais que je veux dire, les agresseurs, ouais, étaient venus avant et donc. Ah, d'accord, ok. Moi, j'ai cru que c'était après les agressions. Ok. Donc, du coup, je vais prendre la parole et je vais faire. Oui, voilà, écoutez, le FBI essaye d'enquêter, voilà. On se pose certaines questions. Et oui, le FBI, on essaye d'enquêter, vous voyez, mais je ne pense pas que vous avez quoi que ce soit d'ennemi. Enfin, vous n'avez pas l'air totalement coupable. Donc, ne vous en faites pas. Je vais. Juste, Madame Marie, j'aimerais que vous quittiez la pièce, s'il vous plaît. J'ai 2-3 mots à dire en privé à Madame Cynthia. Tu vois que Marie n'est pas très à l'aise. Je pense que la situation au commissariat l'a pas mis dans une situation, enfin dans une, comment dire, psychologiquement, elle est assez faible en ce moment et du coup, elle se fait pas prier pour t'écouter. Et, d'accord. Elle sort, elle revient dans la salle d'attente. Qu'est-ce que tu veux faire? Ok, alors, mesdames et messieurs, avant tout, HRP, je présente mes excuses. Voilà. Non, on s'en prend, vas-y. Ok, donc j'arrive et je fais, écoutez, madame Cynthia, et je me rapproche et je mets la main sur le bureau devant elle. Et voilà, je lui prends sa main et je fais, écoutez, madame, je ne peux que m'intéresser à une belle plante telle que vous. Pensez-vous pouvoir être la psychologue, car mon cœur bat beaucoup pour vous actuellement et je ne saurais que faire de toute cette rage, voilà. Voilà, je sens que vous avez plein de rage à déverser. Ah, beaucoup, énormément. Elle te dit maintenant, vous allez vous retourner, vous allez sortir votre arme et vous allez tuer vos amis dehors, s'il vous plaît. Et là, tu vas agir sous pression, ouais, s'il te plaît. Carrément. Je suis désolé si je vous attaque du coup, hein, mais... Est-ce que je peux la jouer ou pas? Genre en faisant, bien sûr, je vais faire ça. Ouais. Donc du coup, je sors. Enfin, je vais vers la porte et lorsque je prends la poignée, je fais, attendez, il y a un truc qui va pas. Et là, j'attends sa réaction. Est-ce qu'elle m'attaque? Est-ce qu'elle recommence? Ça, j'en sais rien, mais j'attends sa réaction avec un sourire narquois. Mais un sourire quand même de genre, je l'écoute, mais... T'inquiète, j'ai compris ta technique. Et je mets la main sur mon arme. J'ai tourné. Qu'elle voit que quelque chose a pas marché sur toi. Et je peux réouvrir la porte du coup et je peux faire. Non, bah en fait. Je peux faire ça ou pas? Attends, parce que là tu veux faire 10 minutes. Oui, pardon, excuse-moi. Non, mais c'est juste, je veux faire un. Je vais attendre sa réaction, voir qu'elle fait un. Ah, et en fait faire. Non, mais en fait, j'écoute vos ordres, tu vois. Juste voir si elle me faisait un petit. Petit truc, c'est possible ou pas? Bah du coup, si t'écoutes ses ordres, tu vois, tu pars. Ouais, c'est ça, oui c'est vrai, mais je lui ai laissé un petit doute, bon c'est pas grave. Ok. Voilà, et ensuite j'ouvre et je fais à Jacob et Amy de se baisser, le truc de se baisser, et je tire partout dans la fenêtre, et je suppose que Edgar et Cassie arrivent au même moment. C'est ça, Edgar et Cassie, vous arrivez... au cabinet, alors que des tirs sont en train d'être lancés, tirés quoi, à l'intérieur. Stacy crie. Vous savez pas ce qui se passe, mais en tout cas il y a des tirs à l'intérieur du cabinet. Qu'est-ce que... Bon, on se précipite pour aller lui filer un coup de main. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, d'accord. Ouais, comme ça. Vous prenez une arme avec vous, laquelle, comment? Bah on a. Alors moi j'ai mon Colt avec moi. Ok. Un Colt, c'est un type de pistolet. Un pistolet à 6 balles, comme les cowboys. Ouais, ça, chargeur rotatif. Moi, j'ai mes armes de base, fusil de chasse et couteau. De chasse également. Et on rentre dedans, du coup, ben ouais. Ok, bon, ben vous rentrez, vous voyez que Jonah est en train de tirer. Heureusement, il ne tire pas dessus. Et je fais le signe du chute, genre, t'inquiète. Vous enquêtez pas, chef. Ah. Et là, derrière toi, Jonah, il y a Cynthia qui apparaît, mais alors bien différente. Ah, lourd. Oh merde. Je suis bien fait de vous dire de prendre des armes. Cynthia apparaît et te saute au visage et te griffe. Ouais. Et tu prends 2 points de dégâts. Ok. Tu es projeté au sol assez loin. Ok. Elle vous regarde, vous venez de rentrer, Edgar et Cassie. Elle vous regarde et vous sentez qu'elle va pas tarder, vous allez pas tarder à recevoir le même châtiment. Qu'est-ce que vous faites? Fusil de chasse dans sa tête. Feu. Pardon. Sa meilleure réaction. Pardon. Merde, du coup, je dois faire casser la gueule pour ça. Tu tires au fusil de chasse? Ouais, casser la gueule. Ouais, excuse-moi, mais quand il y a ça, vu le démon qu'on a eu la fois d'avant... Oh, en plus, pas mal. Ouais. Très bien. Et toi, Edgar? Oh, on va lancer un petit exorcisme. Tu commences à lancer un exorcisme. Ouais, du coup, ça serait lancer la magie? Ouais, mais c'est un rituel qui prend un peu de temps à exorciser un demi, quand même, je pense. Il va bénir ma barbe. Oui, non, ça va prendre du temps, par contre. Ouais. Ah, bon, en attendant, je vais filer un peu. Ah, là, tu viens de jouer à Cassie, tu pourras le faire après, peut-être, mais... Ok, donc toi, Edgar, tu te prépares à lancer un exorcisme. Merci, ouais. Cassie, tu tires, tu la touches, et tu vois qu'il y a un objet juste à côté de toi, un vase, qui commence à s'élever et à te shooter dans la gueule, et tu prends 2 points de dégâts. Ouais. Ça te sonne par terre, elle se relève assez rapidement, et Edgar, vas-y, va falloir utiliser la magie, on va voir. Crux sacra sit mihi lux, non de raco sit mihi lux, va des rétro satana, non casu à terre. Ça marche parfaitement. Oh, 10. Oh, en plus, parfait. Malaka estiba, ifse babibas bibas, va des rétro satana, au nom de Dieu, je t'exorcise. Allez hop, dégage. Hop. Donc, tu es en train de faire ton exorcisme, mais il va falloir un peu de temps. Et il va falloir peut-être que les copains. Dites-le, Jonah. Oui, exactement, si je leur dis tirez. Et du coup, ils tirent tous, tu fais casser la gueule, tu agis pour les. Ouais, ok. Ah. Ah, tu gagnes un point d'XP, va. La démon Cynthia se retourne vers Tom, qui elle a l'impression que c'est sans doute le chef de ce petit groupe que tu diriges. Et elle fonce sur lui. Et elle lui transperce le cou avec ses griffes. Il tombe à terre, inconscient, et peut-être proche de la mort. Oh non. Que fais-tu? Oh non. Quoi? Que fais-tu, Jonah? Oh, mais je vais tellement lui tirer dans la gueule, immédiatement. En fait, je vais essayer de lui tirer dessus pour la faire reculer, mais je vais tirer de rage, en fait, tout simplement. Ah oh, bah, super. Ouais, hop, tac. Bah, tu reprends 2 points d'expérience. Le fusil est en rêve. J'utilise un point de chance. De chance? Ouais. Ok. Et donc, tu lui. C'est en bleu, c'est ça? Toutes mes stats sont à 5, donc. Oui, c'est en bleu. Ouais, c'est en bleu. Hop. T'as quoi comme arme? J'ai. Alors, je n'ai pas pris mon fusil d'assaut avec moi, parce que c'est logique. Par contre, j'ai un pistolet mitrailleur. J'ai pris mon pistolet mitrailleur. Très bien. Eh bien, tu mitrailles. Voilà. Tu mitrailles Miss Desmarais. Tout en criant. Qui tombe au sol. Pas très en forme, mais qui rigole en même temps. Qui est là, oh, je m'attendais à mieux de ta part, beau gosse. je vous l'ai dit, hein. Et pendant ce temps, il y a Stacy, qui était la secrétaire, qui elle aussi s'est transformée en démon. Ah la salope. Et qui commence à courir vers Edgar, le voyant en train de déclamer un rituel d'exorcisme. T'es sûr? Cassie, que fais-tu? Edgar, tu es un peu bloqué par le rituel pour l'instant. Ouais, bah je vais lancer une malédiction sur Cécile pour qu'elle laisse tranquille Edgar le temps qu'il fasse le rituel. Sur Stacy aussi. Qu'elle soit dans un sale état. Ok, très bien. Donc déjà, ok, ça marche. Elle se retransforme en humaine. Yeah. Et tu sens qu'elle est pas bien au sol. Tu as laissé un peu de temps à Edgar. Edgar, je pense que tu es concentré sur Cynthia plutôt, sur le gazorisme. Ouais. Ok. Cynthia se relève. Elle commence à sentir les effets de l'exorcisme et elle va donc, de la même manière que l'avait fait Stacy, essayer de s'approcher de toi, Jonah, et ton équipe. Pourquoi faites-vous quelque chose? Ouais, l'équipe est... Moi et... Alors attends, laquelle? Elle s'est relevée, c'est ça? Cynthia s'est relevée et court vers Edgar afin de l'empêcher de se faire exorciser. Est-ce que je peux utiliser, en fait... Je veux dépasser mes limites en mode surhumaine pour la plaquer, mais quitte à briser le mur, en fait, je veux utiliser la magie, en fait, tout simplement, voilà. Pour décupler ma ma puissance, hein, voilà. Ouais, mais très bien, mais vas-y, je t'en prie. Ah. Oh. Ah, bah, je gagne beaucoup de points d'expérience, là. Oh, ouais. Tu décuples donc ta force et tu vas pour la plaquer contre le mur qui t'a défoncé le mur, sauf que elle est bien plus forte que toi. Ah, oh, merde. Elle se tourne vers toi, elle a une force surhumaine. Vraiment, elle te soulève comme ça. Elle fait « Ah non, mon petit bébé, c'est pas toi qui vas me buter contre les murs. » Ah, heureusement qu'on n'a pas couché ensemble. Ça, elle te balance par-dessus le bureau de la secrétaire. Tu éclates par terre et tu prends 3 points de dégâts. Oh, je suis pas très bien, là. Merde. Et tu es salement amoché par sa dernière attaque. Et, oui. Ouais, tu es dans un état assez instable. C'est ça. Elle se retourne vers Edgar et tu vois qu'elle te regarde comme ça, elle fait « Salaud, salaud, je t'aurai. Le voile pourbre t'aura. » Et elle disparaît dans une fumée, sans doute que l'exorcisme a fonctionné. Oh, mon sacrifice n'est pas vain. Stacy se relève, regarde tout ça et s'enfuit à courant. Est-ce que, Cassie, tu fais quelque chose de particulier? Tu es encore en forme? Croche-patte. Elle est pas à côté de moi, elle est au fond. Ouais, mais elle va pour s'enfuir. Est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier? Tire dans les jambes. Et ben, un coup de fusil. Je lui tire dessus. Ouais, ben voilà. Mais bon, tant qu'à faire. En plus, c'est un fusil, c'est pas un pistolet, c'est génial. Moi, j'ai un fusil de chasse. Vas-y, essaye de péter la gueule à Stacy avant qu'elle s'en aille. Or. Oups. Elle tire sur Jonah. Deux. Edgar. Elle tire sur Edgar, c'est sale. Non, les balles, c'est un fusil en même temps, c'est pas super. Ouais. C'est un fusil, chat. Précis. Bah attends, je veux dire, je me suis déjà fait cramer par un des coéquipiers. Parce qu'on a tous tué au moins une fois Edgar. Ah, on est vaguement amoché là. Je peux demander à Jacob, Amy et Tom d'aller la chercher au cas où l'autre là, la connasse. Tu vas faire un agir sous pression, s'il te plaît. Juste Jacob, hein, parce que Amy, je veux qu'elle soigne Tom, si c'est possible, vu qu'il s'est fait transpercer le cou. Oh, bah ça va. Au niveau du cou, en train d'essayer de limiter la plaie. Mm. Et Jacob file à toute vitesse dehors, essaye de rattraper Stacy. Il arrive à l'attraper, mais au moment de l'attraper, en fait, elle se transforme en démon encore et en ombre. Et elle disparaît plus loin. Et bah, il lâche l'affaire au bout de... Oui, bah oui, bien sûr, je vais pas lui demander de prendre plus de risques. Parce que bah, il y arrive pas, quoi. Ouais. Il y arrive pas. Vous êtes très très mal. Jonah et Edgar, vous perdez un point de vie encore. Ok. Attends, encore un point de vie? Ouais. On va... Appelle l'ambulance, Cassie, je pense. Appelle l'inspecteur. Si, qu'est-ce que tu fais? Ouais. De toute façon, là, Amy est en train de dire la même chose. Hein. Il faut appeler les ambulances. Hein. Ouais, je pense. Ouais. Amy est déjà en train d'appeler. Alors, je vais... Stacy a pu s'enfuir déjà ou pas? Stacy a pu s'enfuir, ouais. Ouais, déjà, c'est foutu. Je suis dans quel état, moi, s'il te plaît? Tu es pas... J'ai été touché. Ouais, t'as été... J'ai été touché où, surtout? T'as sans doute une hémorragie, t'as été touché où? Peut-être au ventre. D'accord. Moi, j'ai pris une commotion cérébrale, donc là, je suis pas très bien. Je suis tombé dans les pommes. Je suis inconscient. Ah, merde. Ouais. Ah bah, c'est... Jonah est inconscient. Ouais. J'ai pris... De cause de la mort. J'ai dit ma punchline, après, voilà, je sers plus à rien. Je vais essayer de soigner Jonah avec la magie, ou est-ce que je sais pas si je suis en état seul, ceci, il faudra agir sur pression, je pense. Ouais, tu veux pas, tu... À mon avis, Cassie est en meilleure état que toi pour le faire. D'accord. Ouais. Non, soignez Tom. Parce que moi, ça va, c'est une commotion cérébrale, ça peut aller, mais Tom, lui, c'est vraiment un coup dans la gorge. Ah, merde. Amy est sur Tom à essayer de contenir l'hémorragie. Ouais, il perd deux fois plus de sang que nous tous. Donc non, tu es pas un de mes potes direct, je veux juste de l'avoir. Cassie? Oui? Tu vas essayer de soigner quelqu'un, je pense. Ouais. Mais qui? Merde. Tom? Ouais. Bon, si Jonah le veut, on va essayer de sauver Tom. Voilà, moi aussi je vais à l'hôpital, ça passe. Ouais, bon, utilise la magie. Vas-y. Putain, avec tous les sorts que j'ai enchaînés, je vais prendre dehors. Oh, et puis... Oh putain, yes. Ah oui, par contre, du coup, moi, avec le truc que j'ai fait tout à l'heure... Oui, tu gagnes 2 points d'XP. Alors que t'essayais de faire de la magie, d'un seul coup, tes mains touchent ton front et tu as l'impression d'avoir des cornes, en fait. Et tu fais plus que ça, quoi. C'est comme si tu frottais, tu frottes, et tu frottes tes cornes sur la tête, mais il n'y a pas de cornes, mais tu frottes tes cornes. Et tu fais ça, tu frottes tes cornes. La meuf trop bizarre. Et vous perdez un point de vie, Jonah et Edgar. Ah, allez, moi je suis inconscient. Allez, salut les potos. Moi j'attends l'hôpital et... Allez, on se réveille à l'hôpital. Non, je te conseillerais d'utiliser un point de chance, Jonah. Ok, bah j'utilise encore un point de chance, avec grand plaisir. Donc tu dois rester à 1. Ah d'accord. Et bah j'utilise un de mes points de chance pour d'un coup faire un... Et après me rendormir, mais... L'ambulance arrive. Cassie, comment tu réagis face à cette situation où t'as l'impression d'avoir des cornes sur la tête comme ça et tu fais que te frotter? Déjà, je commence à angoisser, à paniquer. Ouais. Et je demande aux autres s'ils voient les cornes, s'ils savent... J'ai des cornes, je me transforme, Quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Ah, Jacob. Jacob. Jacob, c'est le seul qui est à peu près normal, là, actuellement. Jacob vient de revenir. Mais non, t'as pas de cornes, Cassie, t'as pas de cornes. D'accord. T'arrives à te calmer un peu, mais tu t'es enlevé une petite touffe de cheveux, quand même, sur le devant du crâne, aux endroits où... Enfin, t'as frotté très fort. L'ambulance arrive, l'inspecteur Harris arrive en même temps. Et vous voit tous dans un sale état. Grave. Donc il donne un peu ses ordres, les ambulanciers arrivent, le médecin urgentiste, ils vous prennent tous en charge. Cassie, toi ça va à peu près, vous partez tous pour l'hôpital. Mm. Et quand vous arrivez à l'hôpital, c'est blindé de monde parce qu'il y a eu des tonnes d'agressions ces temps-ci. FBI. Et du coup, c'est blindé de monde. Il y a du monde de partout. Ils savent pas vous mettre avec les brancards. Mais Jonathan est vraiment dans un état. Et Tom aussi, ouais, et Edgar aussi. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, ils vous amènent très vite vers les blocs opératoires afin d'essayer de vous soigner. Pendant ce temps, Cassie, Jacob et Amy vont rester dans le hall. De l'hôpital. Ils ne peuvent pas vous suivre. Si vous voulez, on vous a dit de ne pas suivre. Cassie, tu as voulu quand même suivre dans les blocs opératoires. Est-ce que tu restes dans le hall en attendant que ça se passe? Comment tu fais? Bah oui. Je vais rester dans l'hôpital pour avoir des nouvelles d'eux. Ok, donc tu attends qu'ils soient stabilisés, etc. Je disais, je vais rester dans l'hôpital pour pouvoir rester à leur côté si jamais il y a une agression qui se produit dans l'hôpital ou quoi, pour pouvoir les protéger. Et... Ça marche. Edgar, t'es encore conscient, tu vois qu'on est en train de soigner un peu ta blessure à l'estomac. On va bientôt t'endormir. Est-ce que tu souhaites faire quelque chose avant qu'il t'opère ou... Bon, on va tenter un sort de magie, hein, tant qu'à faire. Ok, mais vas-y, t'essayes de te réparer tout seul avant qu'il t'endorme. Ouais, je vais tenter de me réparer un tout petit peu. Ouais, bon, ça passe, tranquille. je suis un mage blanc. Okay. Donc, tu peux soit t'éliminer un... Oui, tu peux t'éliminer un dégât, ça. Je cherche, ça. Ok, et ben, on va dire que tu prends 2 points de vie en plus, pourquoi pas. Très bien. Faudra que je re-regarde après, plus tard. Donc, t'es plutôt stabilisé. Les personnes autour de toi se demandent d'ailleurs comment tu as fait. Comment tu as fait exactement, parce que t'avais quand même pas mal de médecins et d'infirmiers autour de toi. J'ai un bon métabolisme. Ouais, ils sont étonnés. Mmh. Ils te voient te relever. Ils voient que les plaies sont encore purulentes, mais presque refermées au niveau de ton estomac. Ils avaient déchiré un peu ta chemise pour commencer les premiers soins. Ils sont assez étonnés, interloqués par ce qui vient de se passer. Mm-hmm. Pendant ce temps, Jonah, toi, tu es en train d'être réanimé, hein, très clairement. Oui, bah oui, moi, c'est terminé. Cassie, dans le hall, tu sens une présence inquiétante dans le hall de l'hôpital. Une présence que tu as déjà ressentie. Est-ce que tu fais quelque chose, Cassie, face à cette impression de... Je vais faire à l'écoute. Situation. Ouais, tu sens qu'il y a quelqu'un autour de toi et tu vas essayer de te mettre en phase avec cette personne-là que tu as. Pour savoir qui c'est, où elle est. Et... Là, tu sens que c'est quand même Teddy. Hein. Tu sens que Teddy est dans le coin. Ouais, donc c'est Teddy. S'il en est après moi. Jonah, il est proche de nous encore Non, il est au bloc. Jonah, il est hors d'usage là. Moi, c'est comme Tom. Ouais, Tom et Jonah, c'est mort. Par contre, je peux jouer Jacob ou Amy. Hein. Et je pense que je vais plutôt jouer Jacob, qui lui est... Okay. Bah, Jacob est resté avec Cassie, du coup, dans le... Ouais, voilà, c'est ça, donc il peut... Edgar, du coup, toi, t'es revenu en action ou pas? Alors, alors je dirais que je suis dans un état... Je suis blessé, mais je peux me lever, je peux bouger, mais par contre je suis pas en état de combattre, ça c'est sûr. Tu restes dans le vide, ok. Un combat physique, je peux pas le mener. Ça marche. Du coup, comme j'ai l'impression d'être surveillé, je vais plutôt m'éloigner de Jacob, enfin de Jonah et Edgar, et... Ça doit accompagner par Jacob. Est-ce que tu veux que Jacob te suive? Ouais, plutôt en gardant Jacob avec moi, du coup, je lui explique mon impression, ce qui s'est passé, et je lui demande de me suivre. Ok, bien sûr, ouais, vas-y, je te suis. Tu vas vers où? Du coup, déjà, je sors de l'hôpital, j'essaie de voir si je vois quelque chose ou... En sortant de l'hôpital, effectivement, en face de toi, dans la rue, tu vois Teddy qui est en train de t'observer et qui te regarde. Merde. Ok, moi, Jacob commence à allumer une clope et demande tout va bien, Cassie? Eh bien, c'est la personne qu'on avait rencontrée dans le bar, personne suspecte, et qui semble intéressée par moi, mes pouvoirs, je ne sais pas, mais il me... C'est comme ça que ça drague les personnes plus de 20 ans. Bah attends, et je commence à prendre un 9 mm, enfin il a pris mon... Jacob a pris le 9 mm de Jonah, parce que faut éviter de montrer plein d'armes dans une avec des infirmiers et tout. D'accord. Donc voilà, et je te dis, bon, si tu veux qu'on aille lui parler, j'ai mon gun, on peut faire ce que tu veux, hein. Et je lui jette la clope et je l'écrase. D'accord. Cassie, il est à l'autre bout de la rue, il continue à te regarder avec insistance. Et tu entends dans ta tête une nouvelle fois la clé. Okay. Est-ce que tu fais quelque chose? Je passe à Edgar. Edgar, t'es sorti de la salle d'opération avec tous ces médecins éberlués par ta soudaine remise en forme. Régénération. Ouais, bah oui, j'imagine. J'imagine aussi que tu te diriges peut-être vers le hall pour retrouver tes amis. Tu vois Cassie dehors et sur le trottoir d'en face, tu vois Teddy Scott. Enfin, tu vois Cassie avec Jacob. Hein, et tu vois sur le trottoir d'en face, Teddy en train de regarder avec insistance Cassie. Je vais avancer vers Cassie. Ouais. Et je vais me tenir à ses côtés et on va regarder Jacob ensemble de façon très méchante. Tous les trois en le fixe. Vas-y, il aura la pression. Pendant une heure, tu sais, ils se regardent en mode bon. En voyant ce monde, Teddy vous sourit. Il est de l'autre côté de la rue, il vous sourit et puis il se barre. Il s'en va. Je vais me faire kidnapper. Un médecin arrive et vous dit que Jonah est en tout cas maintenant hors de danger, même si son état n'est pas encore au mieux. En tout cas, ils ont réussi ce qu'ils avaient à faire, la commotion cérébrale. Et Tom? C'est ce que demande Jacob en premier. Et Tom? Tom, c'est plus compliqué, mais il est entre la vie et la mort. Nous ferons tout le nécessaire pour le maintenir en vie, mais disons que... comment on appelle ça? Son pronostic vital est encore engagé. Ok. On peut pas aller. Ok, donc je suis... Jacob commence à ne pas se sentir très bien et il se prend une nouvelle clope. Ok. Cassie, Edgar, hein, vous faites quelque chose en particulier? Non, sans plus, moi je vais me poser parce que je suis quand même pas complètement sonné. Ouais. Je suis quand même dans un état un peu déplorable, on va être honnête. Donc je vais me poser quand même quelques instants. On peut pas vous... D'accord. T'essayes de te soigner un peu. J'imagine que là, tu peux regagner un point de PV encore. Puis quand même. Pour la prochaine partie, je regarderai un peu mieux comment on soigne. Ouais. Parce que... Ouais. Là, c'est un peu au doigt mouillé. Et du coup, je regarderai un peu mieux sur le livre. Parce que, à mon avis, c'est pas que en utilisant la magie. Peut-être dans le temps aussi. Non, mais dans le temps, mais ça dépend. Parce que si t'es en dessous de 4, enfin, si t'es à 5 ou en dessous, t'es instable. Et si t'es au-dessus, tu récupères petit à petit. Oui. Donc, il faut que je regarde un peu plus en détail. Bref, là, on va dire que tu gagnes un peu de plus. Et qu'est-ce que vous faites? Peut-être aller voir Jonah pour essayer de l'aider à s'en remettre avec la magie. Ah oui, ça peut être une bonne idée. Surtout qu'à deux, on peut utiliser de la magie assez avancée, donc à condition que ça fonctionne. Tom! Ouais, je sais que t'as la poisse, Cassie, ça va, je le sais. Mon perso... Ça va, tu m'as tiré dessus quand même. Jonah n'a plus le pronostic vital à engager, alors que Tom, oui. Ouais, moi, si vous venez dans la salle en disant on va te soigner, je fais ah bah non. Non. Vous allez soigner l'autre là. Non, mais lui il est en bloc. On peut débarquer. On est du FBI. Non, on n'a pas le droit de débarquer dans un bloc. Merde. Non, ça non. Même le FBI il peut pas arriver en mode non, vous arrêtiez cette chirurgie du cerveau tout de suite. Non, ça marche pas, tu vois. Après, vous pouvez peut-être le faire à distance, de l'autre côté du mur, j'en sais rien. En attendant, Jonas, si vous le soignez, il sera très en colère contre vous, hein, c'est sûr. D'accord. Ou est-ce que vous attendez tout simplement que les médecins fassent leur travail ? Bah, pour une fois, je pense qu'on va laisser les médecins faire leur travail. Ok. Ouais. D'accord, ok. On peut faire confiance à la médecine des États-Unis. Ça va. Finalement, on va peut-être aller dans le bloc. Hein. Il se passe environ un jour, c'est assez long. On a dormi. Vous avez dormi dans la salle d'attente de l'hôpital. Enfin, je veux dire, quand t'as des personnes proches comme ça, tu dors. D'accord. Oui, non. Et puis en plus, quand tu dors sur un siège, quoi. Oui, non, mais je crois. Ouais, et du coup, vous avez sans doute un peu somnolé, mais en fait, vous n'êtes pas non plus... vous n'avez pas fait une bonne nuit de sommeil réparatrice. Mmh. Et Jonah, tu vas te remettre dans un état stable. Donc, je te... Ouais. Pas à 5, je crois, en PV. Ok. Et Tom s'en est sorti in extremis. Yes. Mais il est en convalescence et les médecins vous expliquent qu'il doit rester ici encore. Ah oui, non, mais il bougera pas. Encore 2 semaines. Pas intérêt. Pendant ce temps, il y a le journal télévisé dans la salle, dans le grand hall. Et vous voyez au journal la présentatrice qui parle de San Diego et qui dit premier jour sans agression depuis 2 semaines, c'est un véritable miracle. Le quartier de Hillcrest revit. Et voilà, ça passe à d'autres infos. En tout cas, celle-là est mise en avant. C'est le premier jour depuis 2 semaines où il n'y a pas eu d'agression à Hillcrest. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose ? Ouais, moi j'ai une petite idée. C'était que je sais que Stacy, elle allait très souvent tous les soirs au Devil's Club. Au Devil Dance, ouais. Au Devil Dance. Oh yeah. Ça n'apporte rien de bon, surtout qu'à mon avis, Jacob m'a prévenu que l'autre, Teddy, il l'avait vu, Teddy, regarder Cassie longtemps. Et comme moi, j'ai pas eu ces informations, du coup, je me suis dit, bon, c'est bizarre, un mec qui regarde Cassie longtemps, tu vois. Vous êtes parlé un peu tous les trois aussi, puis avec ton équipe aussi. Oui, bah oui, bien sûr. Différents événements. En plus, donc voilà, et ouais, au Devil's Club, je pense que on va retrouver les deux personnes là-bas. Jonah, tu voulais expliquer un truc à tes collègues, peut-être? Ouais, j'ai peut-être... Comme qui dirait, et là je demande à Jacob et y a Amy et déjà avec Tom, mais je demande à Jacob de sortir et d'aller rejoindre Amy. Et je vous parle tous les deux, Edgar et Cassie, je vous dis, j'ai peut-être passé un pacte avec ce qui semblerait être le diable. Pardon ? Par inadvertance. Pardon ? Alors, comment dire ? Je me suis retrouvé dans... Aux portes des enfers. Aux portes... aux portes de la mort. Et il m'a été proposé de pouvoir régler tous mes soucis. Et comme actuellement, ça commence à faire beaucoup trop de soucis, j'ai... Et en échange de quoi ? J'ai pas... Je crois que j'ai demandé vraiment beaucoup d'argent. Parce que ça allait régler pas mal de mes soucis. Mais voilà. Et donc du coup... En fait, voilà, j'aimerais vous faire... parce que je crois que j'ai plus qu'un an à vivre. Du coup, j'aimerais vous... Voilà, vous dire quelque chose. C'est que si je meurs, j'aimerais que vous preniez Jacob sous votre aile. Voilà. Ok. Et c'est ma décision. Et je suis désolé, Edgar, même si cela peut te surprendre. J'ai besoin actuellement de cet argent, rien que pour payer mes soins. Et aussi pour payer ceux de Tom, mettre bien Jacob et Amy, et aussi faire 2-3 petites autres activités qui me paraissent importantes. Bah, on trouvera bien une solution, on est WeCap, t'inquiète pas. On est WeCap, tu es le diable. Oh, quand j'entends ça, ça me remonte le moral, j'en ai presque les larmes aux yeux. Bon, on va juste devoir tuer le diable, c'est pas si mal finalement. Ah, ok. Alors, non, mais voilà, je tenais à vous le dire, mais je vous remercie. Si on essaie de trouver une solution, ça m'ira. J'ai un an pour la trouver, cette solution. Mais... Non, je pense que tu l'as dit, t'inquiète, on ira. Avant tout, ça va rester une option, hein, d'accord. Mais voilà, je tiens à vous le dire. Ok, très bien. Bon, et puis bah sinon après j'ai pas d'autres choses à raconter, juste que bah du coup je me sens bizarrement voilà, peut-être mon compte a bizarrement beaucoup plus d'argent. Oui. Est-ce que vous voulez faire autre chose? Est-ce que vous rentrez à la Wicca? Mais il faut acheter des démons, il faut... Moi, je dis que on a des choses à faire, hein. Moi, je dis on va avec toutes les forces de police, on intervient dans le Devil Dance, on s'équipe de gilets pare-balles. Alors, je vous propose quelque chose d'autre. Je vais vous faire une exception. Je vais vous inviter dans mon laboratoire de recherche, dans mon arsenal, enfin, on va dire dans... C'est vrai ? Dans mon repère. Alors là, je suis surexcité. Donc bien sûr, vous ne touchez à rien, c'est juste pour récupérer des armes, et on va se préparer à affronter des démons. Ok. Acide. Ça marche. C'est trop stylé. J'accepte avec grande sympathie, et j'ai très envie de voir ton laboratoire. du coup, tu cherches à faire la manœuvre arsenal. Yes, on va avoir plein d'armes. Donc là, tu as tout ce que tu veux pour le démon. Alors comment, à ton avis, Edgar, toi qui t'y connais bien en monstre, quelle est la meilleure arme contre un démon pour le tuer? Un lance-flamme. Tu vas avoir un pieu avec cette recherche internet. Non, plus sérieusement... Deux lance-flammes. Voilà, c'est déjà le il y aura plein de gens, mais on sera dans une box. Probablement, pas sûr. Bah, affronter des démons, il y a des croix. Il va nous rire. Non, mais des balles, je sais pas, des balles saintes, genre des balles bénites. Des balles bénites, effectivement. Ah oui, des balles bénites. Des balles bénites. Excusez-moi. Oui, et surtout aussi des armes qui auraient pu appartenir à d'anciens exorcistes, des reliques. D'accord. Décris trois armes, puisque là, t'as fait quand même 12, donc tu prends les armes les plus badass que tu veux pour tous tes copains et toi-même. Yes. D'accord. Cassie, tu vas prendre un artefact que tu connais bien. Non, finalement, tu vas t'équiper avec les balles saintes. Pareil pour toi, Jonah. Oh ouais. Vous aurez donc deux chargeurs chacun. Mon fusil. Grave. Pardon, mon fusil. Donc deux chargeurs. Moi j'ai mon fusil d'assaut. Hein. Edgar, quand tu dis à Cassie qu'elle va prendre un artefact qu'elle connaît bien, c'est le pendentif. J'aurais bien voulu, mais le souci là, c'est que vu qu'elle a déjà vu des cornes, ça veut dire qu'il y a le lien qui a déjà été fait et malheureusement, je peux pas lui laisser prendre le pendentif. Ça va être dangereux et... Donc à la place, je lui file une relique, je pense. Ok, très bien, d'accord. Et moi, je vais faire un petit peu de connaissance historique, je vais prendre Joyeuse, l'épée de Charlemagne. Oh. Très bien. Oh putain, c'est stylé. L'épée dans une quoi. Très bien, mais vous êtes bien préparé. Vous sautez y aller pour quelle heure là-bas? Bah, à l'ouverture. Bah, la meilleure heure, minuit. Ça va? Ouais, ça c'est. Après, la meilleure heure, moi je dirais que c'est 1h du mat. Mais il y aura beaucoup de temps. L'épée, des fusils, c'est pas le plus. Non, ah ouais. Voilà. Après, c'est un quartier très... Ouais, moi, je m'équipe d'un gilet pare-balles. Donc, je sais pas ce que ça fait, mais... C'est animé, donc... De toute façon, juste en rentrant dedans, s'il me voit, il va me suivre. Ouais. Je vais faire un appât. Bah, du coup, est-ce que tu veux pas un de mes 9mm? Tu veux pas mon 9mm, l'histoire de... que ce soit... C'est pour ça que je t'ai passé le cœur de... Comment il s'appelle? De Saint-Cubert. Il me semble que c'est ça son nom. Alors, Saint-Cubert, c'était un ancien prêtre de la Northumbrie. C'est un prêtre qui était connu pour ses combats contre les démons. Enfin, du coup, c'était contre les vikings de l'époque, mais du coup, c'est contre les démons. Mais c'est les démons. Voilà. Mais il va faire quoi, le cœur? En fait, ça, on disait que... C'est un artefact. On disait que Saint-Cubert pouvait protéger de par son cœur. Il pouvait protéger et était donc indétectable par les démons. Enfin, ça, c'est les anciennes légendes de la Bible. Donc... Ça marche. Du coup, encore une fois. Voilà. Moi, je vais le prendre comme une croix. Bah, surtout qu'en fait, il éloigne les démons. Ah, il les éloigne. Parce qu'en fait, l'abbaye de Saint-Cubert n'a jamais été attaquée par les démons, donc les victimes. Ok. Donc on disait que Saint-Cubert était un saint divin qui, de son cœur et de ses prières, protégeait les paroissiens. Je suis. Vous y arrivez de nuit alors, quand il y a du monde, c'est ça? Ouais, pardon. Bah ouais, moi je mets un gilet pare-balles quand même, un fusil d'assaut, puis j'attends dans la voiture. Et j'ai appelé la police pour qu'ils nous viennent en renfort. Alors la police te dit que ça fait 24 heures qu'il n'y a pas eu d'agression, que du coup il n'y a aucune raison qu'ils viennent en renfort au Devil Dance, ils ont tous besoin de repos. Et pour une fois, ça fait deux semaines, il n'y a pas eu d'agression quoi, donc ils comprennent pas trop ta demande en fait à ce moment-là. Et bah je leur dis, très bien, mais alors je suis désolé, vous nous excuserez, et je raccroche. Très bien. Vous arrivez au Devil Dance. On a aussi des gilets pare-balles, nous. C'est la nuit. Non, je crois qu'il n'y a que Jonah qui a sa danse. Que Jonah, d'accord. Ouais, il n'y a que Jonah qui l'a. Qui a quoi? De quoi? Ouais, un gilet pare-balles. Ah oui, moi j'ai demandé un gilet pare-balles. Ouais. Du coup, ça fait quoi? Bah, ça te fait une armure de 1. Ok, armure de 1. Okay. Vous arrivez sur place. Il y a beaucoup de monde qui fait la fête. C'est vrai que tous les gens sont un peu assez bariolés et tout. Et du coup, votre équipe, avec des armes, peut-être que vous cachez légèrement, en tout cas, une épée de Charlemagne. Et moi, un fusil d'assaut, c'est peut-être pas... Mon fusil de chasse. Ouais. Bon, on vous voit en tout cas. Il y a quelques regards. On peut les mettre dans des essuies à instruments, comme des guitares et des trucs comme ça. C'est encore plus visible, je pense. Non, là, c'est... Oui, vous l'avez remarqué, oui. Non, juste, on arrive, et puis les gens, ils continuent à danser, puis tu sais, ils s'écartent au fur et à mesure, et puis ils commencent à faire « on va peut-être partir ». Déjà, à l'entrée, il y a le videur qui vous voit. et qui commence à me dire non mais vous rentrez pas avec ça hein. Tu fais FBI, on lui montre tous les trois notre carte en même temps, comme ça c'est stylé. FBI, vas-y, manipule, il y a quelqu'un qui t'aide. Ouais, FBI. Qui m'aide? Ok, je vais t'aider. Vas-y. Vu que vous montrez tous les trois vos cartes, c'est comme s'il y avait une aide quoi. FBI, open up, tac. Ouais, hop, vous rentrez, là vous avez énormément de monde, énormément de personnes alcoolisées, sous drogue, diverses et variées. Il y a de l'ecstasy qui traîne de partout, cocaïne et compagnie. C'est vraiment les grosses fêtes à l'ancienne. Et voilà. Et dans tout ça, Cassie, tu sens de nouveau cette présence qui te regarde. Et effectivement, au fond de la salle, tu remarques Teddy qui est là. Okay. Teddy qui est là. Et qui est à côté de Teddy, il y a... Oh, c'était sûr. Il y a Stacy. Ah, je vais l'allumer. Il y a Stacy, et à côté d'eux, il y a une autre personne qui a l'air d'avoir plein de courtisans, courtisanes, et les deux mélangés autour d'elle ou de lui, on ne sait pas trop. En fait, elle vous fait penser un peu à Marie, elle vous en avait parlé, Marie, c'était la psychologue au commissariat, je crois que c'est Marie qui vous en avait parlé. Une influenceuse bien connue dans le quartier de Crest, hein, qui est là elle aussi, et ils ont l'air de la même trempe. D'accord. Entre vous et nous, il y a la piste de danse et beaucoup de monde. Alors, je pense qu'ils vont nous repérer, mais mon personnage est un personnage intrépide, énervé, qui est équipé comme un malade. Donc, je vais personnellement, hein, je pense que je vais foncer dans le tas, comme un gros... Bourrin. Sagouin, voilà, comme un gros bourrin. Vous n'êtes clairement pas obligé de me suivre si vous voulez la jouer la plus fine. Attendant, moi je vous regarde et je fais... Je pense que je vais y aller et je... Donc tu cours vers eux. Je relâche le chien du fusil d'assaut et je veux tirer en l'air pour que tout le monde s'écarte. Et que du coup ça attire l'attention des trois. Et je vous conseille de partir en même temps que la foule... qui s'écarte. Ouais. Pour vous cacher dans la foule. Ok. Ouais. Au moins ça les fera partir et ça évitera que les gens se tirent dessus. Ouais. Tu peux faire ça ou pas? Exactement. Ok. Alors. Et essayer de poser un silence, c'est aller regarder juste en mode. Ah les gars, ravi de me revoir. Ok. Ouais. De toute façon, au cas où on a le cœur de Saint-Hubert tous les deux, donc je vais me coller à toi. Comme ça au moins on va être sûr de pas te repérer. Ok. Écoute, agis sous pression, s'il te plaît, Jonah. Je vous préviens, j'utilise un point de chance. Hein. Encore. Ah bah... Mais arrête de les claquer comme ça, ça revient pas. Non, 9, ça passe. Mais c'est après, mon personnage, il meurt dans 6 mois, donc... Je tire en l'air, et effectivement, tout le monde crie, des gens commencent à sortir, et les trois personnes en face de vous, l'influenceuse, Stacy et Teddy, eux ne bougent pas et vous regardent tous les trois ou tous les quatre. Je sais pas s'il y a Jacob avec vous, enfoirés. Non, non, non, alors il n'y a pas Jacob, Amy, Tom, ils sont partis. Ils vous regardent. Et, ils ont l'air assez contents que vous fassiez fuir tout le monde. On dirait qu'ils se préparent un peu à la baston quand même aussi. Ouais, c'était sûr. Hein. Et tout le monde s'en va comme ça, et vous retrouvez très très vite, au bout d'un quart d'heure, il y a encore des gens cachés un peu derrière qui attendent que ça se passe. C'est comme si on était dans une ruelle du Far West juste avant un duel, quoi. On sent que c'est le calme avant la tempête. Qui attaquera le premier ? C'est vous ou c'est eux ? Ah ça, je peux leur parler avant ? Je vais commencer à faire chauffer ma magie. Ça chauffe. En fait, je veux juste laisser le temps à Cassie et Edgar de préparer leur... Moi, je peux pas. Okay. Préparer leur truc et puis... moi, je vais juste les regarder et faire... Moi, j'ai une petite préférence pour celle qui est au milieu, hein, Stacy, hein. Je voulais choisir. S'il y en a un qui veut stopper le gros black, là, ou la Gwyn, faites comme vous voulez. Ah non, mais je suis salé, hein. Ah, je suis salé, hein. Ah, ils m'ont gavé, je suis salé, hein, je suis défoncé. Du coup, quand elle t'entend, elle s'appelle Madison, que tu appelles Lagune, quand elle t'entend, tu vois que son visage se transforme. Oui. Elle aussi est une démon. Et tu ne me parles pas comme ça. Et elle fonce vers toi. Je tire. Ouais, vas-y, bah, tu agis sous pression, là, encore une fois. J'agis sous pression, encore une fois ? Ouais, parce que là, elle était prête à... 8. Ok, du coup tu lui tires dessus, elle se prend le... Ah, mais c'est des armes bénites, en plus. C'est des armes... C'est un fusil d'assaut. Bah oui. C'est un fusil d'assaut béni. Béni. Ouais. Avec des balles bénites. Elle prend très cher. Bah oui, là... Elle prend très cher, elle tombe à terre, elle commence à prendre à tendre la main comme ça, comme si elle pouvait faire déplacer un peu les objets. Et elle commence à faire balancer un lustre ou une sorte de gros néon, un lustre néon, un truc, juste au-dessus de Cassie et d'Edgar, pour essayer de leur faire tomber dessus. Mais tu sens qu'elle est vraiment à bout de force, qu'elle tente peut-être un dernier truc, tu vois, pour faire du mal. Il faut l'acheter, la pauvre bête. Moi, du coup, je vais juste faire pas ça devant moi et je vais utiliser la magie. Ok. Donc, je vais commencer à infuser un glyphe de magie. Ok. Aïe. D'accord, mais ouf. Tu gagnes un XP. Le lustre tombe et Cassie et Edgar, vous prenez tous les deux 2 points de dégâts et vous êtes tombés sur la tête. Il est tombé vite. Il est tombé. De toute façon, au cas où t'as ton artefact, toi, donc. Je l'ai pas, moi. Ah oui, le qui est censé nous protéger. T'as le cœur, au cas où. Il nous protège des démons. Teddy s'est approché de toi, Cassie. Et effectivement, il a essayé de t'empoigner. Et il a dû reculer d'un seul coup. Et Par rapport au lustre, il a reculé d'un seul coup ou... Non, sans doute par rapport à l'artefact de protection. Ah d'accord. T'en foutais du lustre, c'est... Ouais. Il a reculé d'un seul coup et il a commencé à grimacer et à partir un peu plus loin en direction de Jonah. Ah yeah, merci, je veux l'aggro. Stacy aussi est en train de se jeter sur toi, Jonah. Qu'est-ce que je fais une grande rafale sur les trois, sur les deux là. Enfin sur les trois même, j'essaye de finir sur l'autre. Je fais un arc de feu. Bien, tu risques à toucher beaucoup d'innocents qui sont encore dans la pièce, mais je te laisse faire un. 7. D'accord, mais tu tires. Ils prennent tous des balles. Madison devient une sorte de tas de cendres très rapidement. Elle un dernier cri. Elle fait voler un petit vase, mais enfin ça touche personne. Stacy prend le coup assez sèchement et tombe à la renverse. Quant à Teddy, il prend le coup lui aussi, mais il se transforme en une sorte d'ombre visqueuse comme ça et il s'approche de toi très vite. Et il te prend par... Ah merde. Et il commence à serrer et en lâchant, en fait, c'est comme si t'étais... Propulsé. Un peu en lévitation, en fait. T'as l'impression que lui, il a juste lâché avec ses mains, il a juste bougé ses mains, et toi, ça t'a propulsé d'un seul coup contre... Ok. Contre le bar, et tu prends 2 points de dégâts, évidemment. Ah, ça fait mal, les barres, en plus. Stacy est au sol, Elle est pas bien du tout. Attends, j'ai une armure avec mon... Donc du coup, ça vient de péter mon armure. Donc je prends que 4 et j'enlève mon gilet pare-balles. Non, t'enlèves pas ton gilet pare-balles, il reste. Ah d'accord. Il reste. Edgar ? Alors je vais essayer d'utiliser le pouvoir de joyeuse. Ouais. Donc je vais me précipiter vers Tessie en infusant de la magie dans les gemmes de joyeuse. Parce que si jamais vous savez pas, joyeuse a des gemmes dedans. Ok. Oui. Ok, ça marche. C'est pour ça que je trouve très stylé le fait que tu es joyeuse, en fait. Il va casser la gueule, quoi. Ah oui, là, je vais casser la gueule, monsieur. Ouais. Boum ! Oh ! Découle-nous la scène qui se passe, parce que là, tu vas l'exploser. Elle va finir mal, morte. Donc, explique-nous comment se passe la scène. Bah, écoute, je vais essayer de la choper pendant qu'elle est en train de se relever. Donc, j'ai infusé l'arme de magie et je vais la décapiter, pure et dure. Sale, sans froid. Et au moment où la tête vole, tu vois la tête qui bouge encore un peu, qui fait « Putain, enculé, le voile pourpre t'aura !» Ah, salope. Et... Merde. Ah, salope. Là, elle tourne en cendres. En faisant ça, Teddy... Teddy se sent peut-être un peu seul. Et disparaît. Oh non. Quel connard. Il disparaît complètement, Si tu ne... Non, on l'a pas vu, il a fait paf, il a disparu. Je tiens juste à préciser que du coup, il y a une gemme de joyeuse qui a disparu, vu que je l'ai utilisé pour la magie. Donc il n'y en reste plus que 3. Non. Ok, je peux lâcher une punchline ou pas? Ok. Vas-y. Quand il disparaît. Vas-y. Oh, merci, ça me fait plaisir. Du coup, je lâche un... Putain, je viens de passer un pacte avec ton patron, et tu me laisses comme ça pour une dernière danse, tu casses les couilles. Et je vais tirer sur le sol là où il a disparu, même si ça fait rien. Là, quand tu fais ça, Jonah, dans ta tête, comme si c'était de la télépathie, ouais. Tu entends la voix de Teddy Scott, qui te dit « T'inquiète pas, Beckett aura bientôt ta peau. » Attends, quoi? Ah, je m'arrête de tirer et je fais « Ah, ok, bon, ça... » Cathy ? Ouais. Vu que Teddy s'est enfui et que les deux autres sont morts. Je vais tuer les citoyens. Je vais tous les tuer, ouais. Je vais tuer tout le monde. Je vais lancer à l'écoute pour voir où est Teddy. Ok. Oh putain, tu peux nous repérer Teddy, t'es la plus forte. T'essayes de repérer Teddy. Mode GPS activé. Oh. Ouh. Ok. Du coup, 9 avec à l'écoute, tu peux me poser une question. Ouais, bah du coup, où se trouve Teddy en ce moment même? En te mettant un peu dans sa tête, dans ses yeux, dans son corps, tu vois qu'il est en partance, mais d'une manière très, très rapide. Il est sans doute dans les cieux. Et il va très vite et il s'éloigne de... Il n'est plus à San Diego. Et il va très vite en direction de... Merde. Attends, que je me repère. De l'Est. De l'Est ? Oh, putain. Il va très très vite en direction de l'Est. Il est en train de traverser les États-Unis, sans doute. L'Est ? Ouais, il y a Quantico. Il y a Quantico et la clé, ça se trouve, c'est l'artefact. Ouais. Merci. Après, de toute façon, il peut pas rentrer dans mon repère. Il est protégé par des centaines de charmes, oui. Tous les plus puissants des autres. J'ai mis toute ma vie à les faire. Ouais, mais attends, s'il est capable de traverser les États-Unis en un battement de cils. Il est en train de le faire, il est en train de traverser. Pas en un battement de cils, mais il va extrêmement vite, effectivement. Ah putain. Ça peut te rassurer, Jonah, normalement. Enfin, j'ai passé ma vie à protéger mon repère. Il est censé. Tu peux avoir le vaisseau de la série. Non, par contre, on peut se téléporter grâce à moi. Ouais. Ah bon? C'est vrai? On repère, simplement. S'il y va pas, on y reste... Ouais. Ouais, mais on sait pas où il va, contre. On sait pas où il va, mais vers l'Est, il y a un gros risque que ce soit à Quantico. Alors, s'il m'a dit... là, je vous dis, il m'a parlé de Beckett, et je gueule, je lâche quelques jurons, je crache par terre, et je fais... six fils de pute, il est rentré au Michigan, là, je vais vraiment agir, par contre. Je comptais déjà le faire à la base, mais là, ça va barder. Beckett, je vous raconte, je vous dis le fait que Beckett, c'est un de mes ennemis jurés. Enfin, il veut ma mort à tout prix. Et s'il est trempé là-dedans, plus le nouveau boss de la mafia russe et coréenne qui a l'air d'avoir certains pouvoirs, là, je pense que ça va pas trop aller. Vous sentez que... Ah, je viens de comprendre, d'accord. Vous sentez qu'il y a peut-être plus rien à faire, en tout cas du côté de Hillcrest. Et vous repartez je fais une sorte d'épilogue. Vous repartez dans l'avion. Dans l'avion, vous avez un coup de fil de James Gordon. Mmh. Et il vous dit qu'il se passe quelque chose d'assez grave à Détroit. Un second anneau semble avoir été activé. Un anneau dimensionnel sans doute comme au Groenland, et il vous dit voilà, c'est votre première mission officielle, si vous pouviez venir sur la zone 51 afin qu'on puisse vous donner le nécessaire pour agir, ce serait très bien. Ah, j'en fais une affaire personnelle, puis là je laisse un petit silence et je fais, vous pouvez me passer Noja? En entendant ça quand même, Cassie, tu as une sorte de malaise. Alors pas un malaise vagal ou quelque chose comme ça, mais... Je comprends. Un malaise psychologique. Tu as la même impression en fait que... Enfin, une impression de... Comment dire, de quelque chose de trouble. Il y a quelque chose qui n'est pas... c'est peut-être pas les... Comment dire, exactement les bonnes raisons qu'il vous a données, ce James Gordon, à ce moment-là. Ouais. Tu as une impression qu'il se cache quelque chose de peut-être... D'un peu pire. C'est pas sûr qu'il ait dit la vérité, qu'il vous envoie là-bas pour ça, c'est pas sûr, quoi. Tu sens un truc. Ouais. Tu sens un truc de pas cool là-dedans. Ok. Et la scène se termine comme ça. L'épisode se termine comme ça avec Cassie, qui a vraiment pas l'air bien dans l'avion. L'avion qui commence à faire un petit détour parce qu'il va finalement se poser sur la zone 51. Il y a une fondue noire et le générique de fin, le générique de fin qui apparaît. Juste avant de débriefer, que pensent et qu'ont envie de faire vos personnages à ce moment-là? C'est-à-dire que j'ai pas prévu le prochain mystère encore. Enfin, j'ai plusieurs idées en tête. Mais par rapport à ce que, peut-être, voilà, au pressentiment de Cassie, à ce que vous avez eu dans ce mystère-là aujourd'hui, peut-être n'avez-vous pas envie de suivre forcément l'ordre de mission, peut-être avez-vous envie de faire autre chose, ou peut-être avez-vous envie d'aller à Détroit, notamment Jonah, où il sait qu'il y a là-bas... Ah, moi, c'est une affaire personnelle, là. De toute façon, moi, mon personnage, enfin, Jonah, déjà qu'il est intrépide, là, il a vraiment plus rien à perdre. Comme il a pactisé avec le diable, il n'a plus rien à perdre du tout. Et avec la richesse et la célébrité que, bizarrement, je vais recevoir, parce que j'ai demandé ça, ou juste la richesse ou juste la célébrité, je ne sais pas encore, je vais mettre toutes les ressources nécessaires, quitte à faire appel à des mercenaires, quitte à faire appel à des hommes armés, pour détruire mon passé, en fin de compte. Donc voilà. Voilà. Edgar, comment est ton personnage là en ce moment? Il se pose quand même pas mal de questions parce qu'en achevant Stacy, il a pu entendre la secte pourpre. Le voile pourpre, pardon. Et du coup, là, je pense que je vais quand même me poser pas mal de questions, surtout dans en quoi ils sont liés, parce que je n'ai pas pu voir les choses habituelles, c'est-à-dire que normalement, il est censé y avoir un portail dans la ville. Pour pouvoir, ou du moins un lien avec le monde, de l'autre monde, pour contaminer, pour parasiter les gens. Donc là, dans ce cas-là, visiblement, il n'y en avait pas, sinon les dégâts auraient pu être bien plus impressionnants. Donc je ne sais pas trop ce qui se passe. Donc pour moi, ça veut dire recherche. Merci. Un peu perdu par rapport à tout ça. Assez inquiète également. Elle va suivre Edgar par rapport à son choix. De toute façon, c'est lui qui l'a aidé et qui protège. Ouais, que dire de plus? Pas grand chose. Pas non plus inquiet. Tous les trois un peu plongés dans vos pensées, chacun assez pensif. Jonah un peu plus. Avec un regard un peu plus déterminé quand même. Et donc il y a cette fondue noire, un petit générique, et on voit un homme encapuchonné de rouge qui se tient à genoux face à un démon en pagne. Le démon a des yeux qui brillent d'un jaune orange, comme si des flammes incandescentes étaient dans ses yeux. Et d'une voix lugubre, il dit « Cynthia aurait pu faire un bon élément, mais vous avez trouvé la clé, et ceci est une très bonne nouvelle. Ramenez-la-moi au plus vite. » L'homme encapuchonné se relève, la tête toujours baissée, le regard au sol. Oui, maître. Et la scène se termine. Le générique prend fin sur ces ses derniers mots.